Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Oh, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Eh oui. Comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment vas-tu? Ça va très bien aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. J'ai fait le podcast de Patrick Beau ce matin. Ah, comment c'était? Continue, tu m'intéresses. C'est ça, ouais. J'étais très stressé. En fait, il envoie une liste de questions, mais assez deep. Oh. Et moi un peu j'ai comme un Nubila, peu... tu vas voir, c'est un peu l'inverse. C'est l'inverse. Mais non, mais moi j'ai un peu le syndrome de quand on me demande t'écoutes quoi comme musique, mon esprit est vide. Je suis genre, tu sais pas. T'es nerveux. Ouais, un petit peu. Ouais. Et donc là, comme c'est des trucs très genre, quelle est l'expérience qui a changé ta vie et tout, je suis genre, oula. Putain, j'en sais rien et tout, j'étais en stress. Et en fait, ça va, je me suis bien débrouillé. Et après, j'ai découvert un nouveau resto vegan, délicieux. Et en plus, ils ont payé, donc c'était gratuit. C'est la meilleure nourriture et la nourriture gratuite. Donc je suis de très bonne humeur, à part cette chaleur qui me tuera. De quoi? Bah, le restaurant vegan. Il s'appelle L'Embuscade. Et c'est dans le 18ème. Ah, oui. Ah, trop bien. C'est afro-vegan. Niche. Et c'est délicieux. C'est vraiment magnifique. Trop bon. Ils font une citronnade à la fleur d'oranger. J'ai jamais eu l'idée de mettre de la fleur d'oranger dans la citronnade, mais c'est succulent. C'est ça l'expérience qui a changé ta vie, j'ai l'impression. C'est ça. Il y a eu un truc. Mais c'était après. Ouais, donc pas de bol. Non, donc je suis de bonne humeur. Ah, oh, bah ça fait plaisir. Assez rare pour le mentionner. Eh bien, nous sommes comme accoutumés avec deux invités autour de la table. Notre première invitée est photographe, réalisatrice, comédienne et récemment animatrice. Elle est d'ailleurs plusieurs clips, plusieurs pubs, la pochette de Civilisation d'Orelsan et un tout nouveau podcast, Alice Underground, dans lequel elle invite plusieurs personnalités à discuter pendant un peu plus d'une heure, à peu près. Une heure. Autour de ça. Je mets un réveil maintenant. Ah ouais, pour pas dépasser. Parce que je parle. Non, je t'assure, parce que je parle trop. Une alarme quoi, parce qu'un réveil ça fait un peu genre. Oh, comment il t'a caché! Oh, il t'a gagné, il t'a tué! C'est un peu le sniper hein, d'émission, faut pas avoir peur. J'ai qu'une hâte. Tu me roastes, Adrien. Mais Jonathan, pourquoi j'ai cette image genre, je ne roast jamais les gens quoi? Mais oui, t'es juste un fact dans la vie, ça n'a rien à voir. Ah, connard, va. Je roast Florent uniquement. Oui, c'est vrai. Gros nez, va. J'espère qu'elle se lave souvent les mains, car c'est une véritable touche à tout. C'est Alice Moitier! Ça, voilà. C'est le vrai truc qui va me manquer du Floodcast. Ouais, c'est voilà. Du petit. Je le ferai dans la vie. Je le ferai dans la vie. Sur WhatsApp. Comment ça va, Alice? Ah, c'est super. On est ravis de te recevoir. Je suis ravie. Je suis d'autant plus ravie de te recevoir, Alice. Après, on passera à notre sonorité. C'est que deux personnes différentes m'ont dit: mais Alice croit que tu la détestes. Et ce n'est pas vrai. Mais je ne crois. Je ne te déteste pas, Alice. Je te dirai pourquoi après. Ah, ça n'a rien à voir avec toi. Mais je me suis dit. Une menace de mort. C'est non, je te dirai pourquoi après, ça n'a rien à voir avec toi. Non, mais après quoi? Non, mais elle fait une émission. Mais c'est le watch time. Elle pense à tout. Elle dit là, comme ça, les gens ils écoutent. Elle a déjà le podcast dans le sang. Ça, c'est un reel. On va faire un reel. Non, pas du tout. C'est parce que comme t'as invité Mead deux fois. Ok. Et moi jamais. Alors d'accord. D'habitude on fait tout ensemble, mais je pense que c'est ça. C'est comme si j'ai invité Adrien partout et pas toi. Mais en vrai les gens le font et c'est pas grave. On n'est pas dans la compète. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi c'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus crousty. Je noue une petite serviette autour de mon cou. Notre deuxième invité est chanteur et comédien. Il est d'ailleurs trois albums et un quatrième live qui est sorti il y a pas longtemps. L'Affreuse, dispo absolument partout. Il sera d'ailleurs en concert également à la Pride de Montréal le 9 août pour les Québécois pardon qui nous écoutent. Il y a beaucoup de monde hein, là-bas. C'est énorme. C'est énorme. Elle est énorme cette Pride. J'ai tellement hâte. Ça va être incroyable. On l'a aussi vu récemment au cinéma dans Les Reines du Drame, dans lequel il est tout le temps hilarant. C'est d'ailleurs dispo en VOD depuis peu. Je suis allé voir au cinéma. J'ai adoré. Sérieux? Incroyable séance. Je t'en parlerai aussi un peu plus tard. On est dans le teasing. Hein, dans cette émission. J'ai rien teasé. T'as dit que t'allais bien. Déjà, les gens se disent: mais qu'est-ce qui se passe? On va parler de robot aspirateur tout à l'heure. Pour vous dire à quel point notre podcast est vieux de ouf, notre invité est le premier invité qu'on reçoit à avoir débuté sa carrière après le premier épisode du Floodcast. Wow. On peut l'applaudir, c'est Bilal Hassani. Bonjour. Bravo. On est ravis de te recevoir, Bilal. Je suis ravi d'être là. C'est trop cool. Merci beaucoup d'être venu d'affronter ton allergie au chat. Parce oui, exactement. Il y a un chat qui oui. se balade. Donc, je suis allergique aussi. Donc on est ensemble. Ouais, okay, ouais. Voilà, déjà, un premier point commun, j'en compterai 8 pendant l'émission. Okay. J'espère en trouver 8 au fil de l'émission. On va sans problème. Alors, comme à la coutume, on va faire le jeu du Floodcast. Donc, c'est pour rappeler un petit peu, je vais poser une question sur l'actualité un peu insolite du monde et. Vous pouvez poser des questions pour essayer de trouver la réponse. Bien sûr, Florent. Je te le pitch à toi, Adrien. Je sais que ma mémoire flanche de plus en plus avec l'âge, donc c'est bien demain. Quel événement typiquement français est en train de devenir tendance sur le TikTok britannique? Je l'ai. La fête de la musique. Bien joué. Oh, non, mais wow. Là, il dit je l'ai. On compte pas les points. Non, you got it. J'avais pas bien compris. On peut continuer. C'est bon, c'est lancé. Non, c'est bon. C'est très bien. C'est lancé. C'est moi qui ai un esprit de compétition, Bilal. Non, c'est moi. Je m'articulerai mieux. Pardonne. C'est effectivement la fête de la musique. La fête de la musique à Paris suscite un nouvel engouement, notamment auprès des influenceurs anglo-saxons. Maddie Clark, suivi par plus de 53 000 abonnés sur TikTok, promeut l'événement comme une soirée. Non, mais c'est parce que pour te dire que ça a pris. Non, mais je l'ai, c'est anglais. Parce que t'as pas vu, je comprends pas. Il est pas fou de TikTok. Alors moi je vais pas sur TikTok. J'ai raté. Les gens sont fous là de fête de la musique. Ah ouais, non, mais pourquoi? T'as pas vu la guerre? C'est vraiment pourquoi les seuls. Parce que, même en France, on aime pas quoi. Bah c'est du truc. Parce que déjà que c'est bondé, les British veulent venir alors qu'eux ils ont Brexit. On leur dit ne venez pas. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? On leur dit. Qui leur dit non, ça? Non, si, ils disent arrêtez, il y a trop de monde déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait du coup? Pour la provoque évidemment, parce que les British. Ils ont dit ben on va venir en force en masse et du coup les Français c'est bagarre. Quoi la réponse, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben très bien, bah écoutez, l'endroit où ça se passe c'est Sarcelles, et donc c'est ça là qui se passe. Aïe, ben j'avais pas tout ça, tu vois, j'avais juste ce truc effectivement d'un engouement qui effectivement déplaît à pas mal de Français, surtout qu'après, alors moi attention pareil, moi j'ai pas TikTok donc je suis complètement à la ramasse, mais qu'il y avait un petit, il y a des petites guéguerres avec les Français sur TikTok, il y avait une chanson de Lady Gaga qui avait été reprise, I don't wanna be friends, exactement, qui est devenue I don't wanna be French, et malgré les critiques, l'édition 2025 de la fête de la musique semble bénéficier d'un contexte favorable puisque le climat festif laissé par les JO de l'été précédent ainsi qu'un grand concert prévu aux Tuileries le 21 juin avec des artistes comme La Femme, Camille ou encore Christine and the Queen, l'événement conserve aussi ses atouts clés, il est gratuit, populaire et coïncide avec le solstice d'été, donc voilà, c'est Coachella pour ces gens. Et nous, on sera la seule player ce jour-là. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pour fêter la musique, vous allez voir, ça va être quelque chose. Moi, je serai avec un bâton. Ah oui, entouré d'orties. Pourquoi? Tu vas où? Je serai avec un bâton entouré d'orties à essayer d'entendre ceux qui sont français ou pas là. Un bâton d'orties là. Mais ça, mate, in it. Tu me disais en antenne que t'étais raciste, Alice. Oui, je suis content que tu le dises. Non, j'ai un petit problème avec les Anglo-Saxons, mais c'est vraiment de leur faute. Exclusivement. Ouais. Ce snobisme, quoi. Ah, c'est fou quand même. Mais bah, écoute, mais moi ça me fait plaisir, j'aime bien voir que c'est bien qu'il moi kiffe, la fête de la musique, j'ai découvert que plein de gens détestaient. Moi quand j'étais ado, c'était pour j'aimais moi trop la fête de la musique. Tu fêtais la fête de la musique bien? J'ai toujours fêté la fête de la musique et cette année je vais chanter quelque part à Bastille, j'ai trouvé genre 8 gigs à des 30 minutes d'intervalle. Ah oui, je hop, il y a un DJ set, je mets ma clé, ma chanson, et je me casse et j'en fais un autre. Poste la map sur Insta, poste-la. La map avec ta tête, et à chaque fois une wig différente. La map qui fait bonsoir Paris, j'insiste. Bah, des t-shirts et tout, pour magnifique, c'est bon, on a trouvé un business. Non, mais moi j'aime bien quand les gens chantent en live, quoi. Bah, y'a de ça un peu. Ouais, non, mais. J'aime bien quand les gens chantent en live. Quand ils refaisaient les Red Hot et Oasis, là. Non, y'avait vraiment vrai, des musiciens. En fait, j'aimais bien quand c'était l'occasion aussi pour les gens qui étaient des petits groupes qui sont pas pros de jouer devant des gens, quoi. C'est ce que j'entends après. Pas à Paris. Ouais, mais à Paris, c'est beaucoup de DJ. C'est genre des DJ set et tout, et on s'en bat les couilles un peu. Forcément, il y a des quartiers où soudainement il va y avoir des instruments. J'ai pas dit c'est dans tout Paris. J'ai dit c'est de plus en plus. Attends, j'ai une anecdote. C'est pas l'an dernier, par hasard, je sors d'un truc de la fête de musique, on devait aller à une autre fête et je te jure, mais c'est drôle, je suis avec un pote et dans un bar je dis ah marrant, et mon pote il me dit on dirait Kemar, et c'était Kemar qui faisait le DJ. Ah oui, mais je savais pas, mais c'est que c'était un bar, tu vois, genre random. Et pendant 10 minutes je fais mais c'est fou, c'est vraiment son sosie, et mais c'était la huisse. Il y a plein de gens qui font du DJing dans leur temps libre maintenant, c'est ce qui fait partie des choses qui font que je vieillis, parce que moi j'aurais adoré faire ça quand j'étais plus jeune. C'est la vie, pas assez la mode. Alors, et ben fais-le. Hein? C'est pas trop tard. C'est vrai que c'est pas trop tard. Je l'ai fait il y a 2 ans. C'est vrai que t'as appris un peu ça, toi. Il a poussé quelques platines ici. J'ai fait un DJ set au petit bain. Mais vous avez tous les trois fait un DJ set en vérité. J'ai jamais fait de DJ set. Ah, t'as jamais fait? Non, je me mets derrière et je fais. Moi, je suis la personne à côté du DJ qui s'ambiance. D'accord, ok. C'est toi, Alice, t'as fait un peu? Non. Une fois pour la blague qui dure. Il est marqué 14 minutes. C'était. Ah, ouais, moi, c'était. Je sais plus. C'était un vrai truc long. Mais en vrai, bon. C'est sympa, hein. C'est sympa, mais c'est abordable comme genre techniquement. Pratique, bien mais sûr. Écoutez, quand même, je me fais l'avocat des DJ. La différence, elle est grande avec un bon DJ. Bien sûr, je dis que la courbe de progression. La fête. Et moi, d'ailleurs, si il y a des promoteurs qui nous écoutent, je vous en supplie, payez les vrais DJ. La diff est énorme. La fête est bien meilleure. Bien sûr. Ouais. Hein, mais c'est plus. C'est plus la. Les gens restent. C'est plus beaucoup. La culture musicale et tout qui joue que l'aspect technique, quoi. Non, il y a aussi genre, tiens, le public, je pensais qu'il serait ainsi, mais finalement, il n'est pas vraiment oui. comme ça. Oui, donc... le DJ, oui, mais justement, c'est ce que ouais. je dis. C'est ouais. que pour s'adapter, il faut que tu aies en tête des morceaux, genre, ah, ce public-là, il va exactement. Aimer tel truc et tel truc. Mm. Toi, en concert, tu le fais des fois, Bilal, tu te dis, ah, tiens, j'avais prévu une setlist, et en fait, je l'adapte un peu parce que c'est marrant cet enchaînement. Il... J'ai fait bouger la setlist, mais alors pas vraiment. Enfin, ça va pas être en direct que je vais le faire. Oui, non, bien sûr. Mais je lis beaucoup en ligne, et donc parfois, je sais que je vais arriver à Toulouse et qu'il y a genre ces 15 fans qui sont genre obsédés avec cette chanson obscure de mon premier album et je dis au groupe genre ben on prépare cette chanson et on la prépare dans l'après mais on la fait le lendemain genre on mais ça c'est marrant il y a un peu deux équipes là-dessus. Moi quand j'étais jeune j'étais très content quand les groupes que j'aimais faisaient la chanson bah oui que ouais. j'adore machin et en fait plus je vieillis plus je me dis oh bah puis les tubes ça fait du bien de temps ça fait temps, ça fait toujours du bien les tubes. Moi je suis très pro tube en bah cette oui, liste de concert bah oui j'aime c'est, bien me dire c'est genre la générosité tu ouais il faut faire comme ça faut que ça soit une fête parce que ouais, faut pas prendre la tête aux fans un peu plus lambda, quoi. C'était ouais. quoi votre concert préféré de toute votre vie en tant que spectateur? Le concert que vous avez adoré? C'est horrible comme question. Ouais, c'est ça, c'est une question à la Patrick Beau. Ouais, ouais. Ouais. Bah, honnêtement. Bah, après, moi, je me dis, moi, c'est ce que je dis souvent pour ce genre de questions. Le premier qui vous vient, c'est pas c'est grave si après ouais. vous vous dites que c'était pas exactement celui-là. Je pense le Born This Way Ball Tour de Lady Gaga ouais. le 21 septembre 2012. Très bien, voilà. T'as l'air de t'avoir bien c'était marqué. C'était l'un de mes tout premiers concerts. J'avais ouais. bah, 12 ans. Ouais. Je venais d'en avoir 13 et c'était Lady Gaga. C'était ouais. ma mère. ma mère m'a abandonné avant le genre 3 heures avant le concert et elle a pris genre ouais. une pote de ma cousine. Elle a dit tu vas avec lui parce que j'ai pas envie. Ok. Donc cette meuf que je connaissais pas, Lady Gaga devant moi, elle avait un château sur scène. Ça a duré 3h10. Ouais. Oh ouais. wow. Ouais. ouais. Sympa. Elle était genre vénère en mode le stade me dit qu'il faut que je me casse mais je me casse pas. Et donc j'étais en mode genre Lady Gaga. Ça a changé ma vie. J'étais genre trop content. Et incroyable. Voilà, je suis devenu gay le lendemain parce que ça s'attrape. Voilà. J'ai lu ça sur des forums, mais ah non, c'est vrai. C'est okay, très c'est vrai. Vrai. J'ai été piqué ce soir-là. Très bien. Mais ça, pareil, truc de vieillir. Quand j'étais jeune, oh, 3 heures de concert, génial. Maintenant, non. Oh, un petit 2 heures, c'est bien déjà. Hein, c'est 1h45, je suis bien. c'est après, ça. C'est bon, pack it up. Je me souviens, j'étais allé voir The Cure parce que, encore une fois, moi, je suis vieux. Stylé. Et ça durait 3 heures. Pas aussi vieux que oui, ça, oui, mais oui, que... Oui. non, j'ai des goûts très vieux. Vieux j'ai oui, des oui. de... C'est terrible. T'as pas 70 ans. Non, mais 3 heures, et ben c'est un peu relou parce que du coup, quand ils font les connus à la fin, ouais, qu'en plus d'être un vieux, je suis un beauf. Hein. Quand ils font les connus à la fin, et ben je suis un peu fatigué. Ouais. Et donc c'est dommage, je suis un peu fatigué quand ils font celles que j'adore. Tu vois ce que je veux ça dire? Ça casse le truc. Donc voilà. Alice, toi, t'as un de tes concerts que t'as préféré? J'en vois beaucoup, parce que je suis. Bah oui. J'aime bien les side quests. Dans et le milieu puis... de la l'ASIC. Ouais. Bah, à force d'avoir photographié gratuitement où j'ai mes petites entrées, je dois reconnaître que c'est agréable. Ouais. Mais un qui m'a marqué, il y en a beaucoup qui m'ont plu, mais un qui m'a vraiment marqué parce que c'est rare, c'était Hubert Lenoir que j'ai vu à la Maroquinerie, il a fait 2 dates. Okay. C'est un rocker canadien qui chante en français, son dernier album il est excellent. Okay. Et c'était très rock. Et c'est bizarre parce que okay. même les rockers que je connais sont pas aussi rock. Et c'était. J'ai rarement vu un truc aussi bien. Ah ouais, non, c'était excellent. Et c'est récent ou c'était il y a. Oh, c'était il y a 3 ans, mais c'était, oui, c'est surprenant ouais. de voir du rock français bien. Oui. Ça n'arrive pas. Hein. Et puis c'est de plus en plus rare. Ça, et il chante en français. Ouais, c'est ça. Et c'est génial. Il a quel âge il est jeune, hein, il a 26, 27 ans. Ouais, je vois 30 ans. Hubert Lenoir, j'aurais pu. Et non, tu serais sûr. Ouais. Il est super. Il a 30 ans, il est né le 14 août 94. Ah, mais il a une tête de bébé. Ouais, ouais. Et il a l'air rock, effectivement. Il a l'air rock. Adrien Miel. Moi, je l'ai déjà dit, moi, c'était le concert des Beastie Boys. J'avais genre 15 ans. Stylé. Je crois que c'était à Bercy. Et en première partie, il y avait Fatboy Slim. Non! Et il a fait la première ouais. partie et ouais. Asian Dub Foundation. Trop stylé. L'humilité. Attends, c'était en quelle année? Il y a longtemps. Ça devait être 95-96, je pense, un truc comme ça. Trop stylé. Et j'ai pas fait beaucoup de concerts parce que moi, j'aime pas trop. Mais celui-là. C'était stylé. Étonnant. Et tout full. Mais ouais, vraiment, ouais, super quoi. Mais c'est marrant que tu dises ça parce que moi je commence parce qu'on est un peu des gens voilà, qui sont dans les milieux artistiques. Là j'ai eu la chance d'avoir des concerts où t'es bien placé sans trop payer. Ouais, sympa, bah hein. ça a tout gâché sur les concerts maintenant quoi. Ouais, tu vas un peu comme ça. Non, mais surtout j'aime trop être bien maintenant quoi. Ouais, c'est vrai, quand tu commences à être loin et tout. Et donc. Je paye ma place pour plein de concerts, mais ça y est, maintenant, du coup, pour moi, aller voir un concert, c'est genre cher. Et puis ça coûte trop cher. Moi, j'ai ouais. deux artistes pour qui je continue de payer, et puis les autres, j'y vais honnêtement quand je suis invité, sinon j'y vais pas. C'est ça. Et quand je paye la fosse, le truc horrible. Moi, je paye pour les petits. J'ai genre vraiment oui. été à 4h du matin. Paye. Mais les petits aussi. Bien sûr. Sur tous, mes, tous les newcomers, genre. Mais la Beyoncé, j'ai pas place. Payé. Bien sûr. Moi, Beyoncé, j'ai payé il y a 2 ans. Elle a déjà et beaucoup vas, trop là d'argent. là, j'y vais en invité cette fois-ci. Tu vas combien? J'y vais le 19 et le 22. Les deux? Ouais, j'en fais 2 sur les 3. Ouais, ça tombe sur vos dates, hein. Oh, c'est pas faites grave, très c'est attention. Ça, c'est, on a failli s'embrouiller avec Beyoncé, mais on est revenu. Je pense que ça l'a fait chier un petit peu. Ouais, à mon avis, je pense que c'est bouqué. Elle a trouvé que c'était un gros pic, genre vraiment. Une attaque directement. This one is for Floodcast. Fuck you guys. On fait en même temps que la fête de la musique, Beyoncé et le Hellfest. Ouais. Ah, vous allez prendre tous les nerds de Paris là. Ouais, enfin ça, de toute façon, on les aurait. Hein. on savait qu'ils seraient là. Imelda Collins a gagné environ 1,33 million d'euros en vendant sa maison. Mais comment a-t-elle vendu sa maison ? C'est pas un peu insolite. Celle d'Harry Potter, genre ? Non, c'est pas. Non, alors c'est, sa maison, c'est sur la façon dont. Ah, c'est ça. Imelda Collins, sa maison, j'ai le droit de poser des questions ? Ah, bah bien sûr. Ah oui, c'est ça. C'est, ça se passe aux États-Unis, ça ? Ça se passe. Très bonne question, Bilal. J'ai la réponse. Grave en plus. Elle est aux États-Unis. Elle l'a vendue sur Vinted. Pardon, c'est en Angleterre, excusez-moi. Ah, en Angleterre. Et, non, elle ne l'a pas vendue sur Vinted. Elle est liée à genre un moment culte de la culture, sur Tinder. Sa maison ? Non. Pas du tout. Sur un site de rencontre ? N'est pas sur un site. Sur un jeu vidéo ? Pas sur un jeu vidéo. Sur un stream ? Pas sur un stream non plus. Est-ce que c'est un rapport avec Internet, la façon dont elle a... Alors, c'est via Internet, mais c'est pas, oui, pas comme un stream ou quelque chose, un rapport avec Internet. Quel âge est là, la fille ? Je reviens vers toi. Qu'est-ce que quoi ? Ouais. Comment Elle a fait... Pardon, vas-y. Non, elle coûtait combien, tu dis, pardon ? 1,2 million ? Alors, à la base, la baraque coûtait 1,33... Non, elle a gagné 1,33 million, mais la baraque, dis-toi qu'elle ne coûtait pas si cher que ça. Ah, est-ce qu'il y a eu des enchères ? Pas eBay, mais non. on n'est pas d'enchères. Il y a eu du troc. Pas eu d'enchères. Il y a eu du troc. Pas du troc, mais on s'approche de ce genre de choses. Ah. Je vais pas l'avoir. Mais c'est pas grave. Non, mais on a le temps. Attendez, tu peux poser beaucoup de questions. Il y a aucun problème. Est-ce que c'est en bitcoins ? C'est une maison de 700 mètres carrés. Ce n'est pas en bitcoins. Sur Reddit ? De 700 mètres carrés qui valait moins de 1,3 million. Ouais, elle coûtait dans le 700 000. 700 000 et elle s'est mise bien. Non, elle coûtait. Pardon, elle avait acheté à l'époque. Alors, elle avait augmenté. À l'époque, elle l'avait acheté 280 000 euros. Mais est-ce qu'elle a eu cette idée-là originale de le vendre dans ce... c'est un hasard ? C'est pas un hasard, non, elle a vraiment eu un but. Elle s'est dit, tiens, je vais vendre ma maison de cette manière. Elle l'a mis sur sa voiture. Pas sur sa voiture. Est-ce qu'elle a fait... Non, pas sur sa fenêtre. Est-ce qu'elle a fait quelque chose ? Elle s'est tatouée physiquement. Non, elle s'est pas tatouée. Elle a pas fait physiquement sur elle, mais elle a organisé quelque chose. Oh, elle a fait genre un concert ? Pas un concert. Une soirée. Non, pas une soirée. Est-ce qu'elle a fait une sorte de un battle royal un peu et le dernier qui survivait pouvait acheter la maison. Tu sais, t'es éliminé et le dernier qui reste a le droit d'acheter la maison. Alors non, mais on s'approche avec un système de jeu. Il y a un jeu. Elle a fait genre. Juste très basique, hein. juste prix. Monopoly. Monopoly. Pas Monopoly. Un bingo. Alors, une tombola. Elle a fait une tombola. Une tombola, oui. Bah, un bingo, une tombola, ça s'est dit un peu en même temps. C'est une tombola. Effectivement. Okay. En fait, elle vendait. Pour vendre sa maison en Irlande tout en réalisant un bénéfice, Imelda Collins a eu une idée originale, organiser une tombola en ligne avec l'aide de la plateforme britannique Raffle. Spécialisée dans un type de vente, elle a mis son logement accompagné. Ah non, c'est son logement, pardon, avec des tickets vendus à environ 6 euros chacun. Ah, c'est malin ! C'est comme ça qu'elle s'est fait de Et, oui. Et du coup, elle a attendu qu'il y ait quand même suffisamment, je présume. Ah bah j'imagine. Si c'était. C'est bon, il y a 3 participants. Mais c'est du génie. L'objectif était double. C'est légal ça ? Apparemment en Irlande, oui, c'est légal. Oui, bien sûr, mais pourquoi ce serait pas ? Je sais pas, c'est peut-être une façon de. Bah, c'est l'impression qu'il y a toujours des trucs, genre des notaires ou des conneries comme ça qui pourraient. Ils pourraient trouver là. Si tu fais ça pendant 10 ans, c'est salaud, mais si tu fais ça. C'est rigolo, mais c'est salaud. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, c'est marrant, tu dis des avocats qui pourraient trouver un truc, enfin des notaires qui pourraient trouver un truc. Il y a eu récemment, je prends un petit virage sur le côté, il y a eu le Pirate Paradise dans l'actu. Alors, qu'est-ce que le Pirate Paradise ? C'est un resto de pirates dans lequel on est allé avec Adrien à Montpellier. Mon lieu favori. Et en gros, on en a beaucoup parlé dans l'émission, donc les gens, ça les a fait marrer parce que voilà, le Pirate Paradise, un resto sur le thème des pirates, et t'as littéralement des gens, c'est vrai, comme les restos Disney, quoi. C'est vraiment ça. Il y a un côté un peu. C'est près de la place de la Comédie ou c'est un petit peu en bord de. C'est un peu en banlieue, non, okay. C'est près de. C'est vers le cinéma, c'est ces zones qu'on adore. Il y a un peu à côté de l'Escape Game Fort Boyard, si ça veut. C'est vraiment ça, pour te donner l'ambiance. Et donc, on a beaucoup parlé de cet endroit. Du coup, t'as fait les deux. Ah, non, non, parce que Fort Boyard était fermé. On l'aurait fait sinon. Bah, on n'avait pas trop méga le temps non plus. Mais on a juste fait le Pirate Paradise. Et donc, pourquoi je parle du Pirate Paradise ? Parce que le Pirate Paradise était dans Capital ce dimanche. Oh, j'adore Capital. J'adore Capital. C'est extraordinaire. Ça fait quoi ? Et ben, il parlait justement de ces. Des restos à thème ? De ces restos à thème. Je vais me régaler. Mon rêve d'en ouvrir un. Bah, je me suis rendu compte. C'est facile, hein, c'est faisable. Ce serait quoi le thème ? Mais si tu trouves un investisseur, j'ai Adrien. J'ai peur qu'on vole l'idée. Non, mais en vrai, c'est très basique. Mais... Non, en plus, c'est pas très original. Mais j'aimerais faire un truc genre un peu ambiance Donjons et Dragons, quoi. Oh, médiéval fantastique, quoi. Trop bien. Avec des dragons, des chevaliers. Bah, investis, ma vieille. J'ai pas les moyens. Je suis endettée, ça y est, j'ai perdu. Bah justement, tu vas te refaire avec cette petite OP que je te propose. Je refais un virage dans mon propre virage. Vous feriez quoi, vous, comme un business un peu parallèle? Ça pourrait vous intéresser? Tiens, un truc genre qui d'une boisson ou d'un truc comme ça, c'est quelque chose. Oh ouais. Bof, moi j'ai un énorme problème avec les célébrités ou les personnalités très très publiques qui font des side hustles comme ça, moi parce aussi. Que je suis en mode t'en as pas besoin. J'ai toujours du mal à avoir la passion. Genre semaine, survendre, mais... je trouve que c'est beaucoup, tu vends déjà énormément, donc moi je réfléchis pas trop à ces choses-là. Je dis genre d'ailleurs un site de merch, etc., etc. Non, mais c'est autre chose. Mais une side pareil, quest. Ouais. Bah non, mais tu pas. Peux que non, hein, tu peux non. Hein. En vrai, je pense que le seul truc que je me suis toujours dit, c'est que j'aurais bien aimé créer une soirée. Ouais. C'est con, hein. Bah genre non, ouvrir un club. Genre, ouais. Tu vois, comme à l'époque, il y avait Paris Hilton qui avait un club, il y avait Lindsay Lohan à un moment qui avait un beach club. Slay. À Ibiza, ouais. Des trucs un peu genre random comme ça. Moi, j'aurais bien aimé avoir genre une boîte. Oui. Genre racheter le Queens et le rouvrir et que ça devienne genre cet endroit trop cool. Trop stylé. Mais il paraît que ça, c'est le truc justement le plus relou à gérer comme business. Ah, genre, pas. Ah, les clubs, les restos, apparemment, c'est un suivi. Ça te prend ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Toi, Alice, il y aurait. Je me permets, Alice, si à un moment tu veux dire slay après un truc que j'ai dit moi, ça ne m'arrivera jamais. Parce que quand il a dit j'aimerais ouvrir un bar à thème Donjons et Dragons, t'as pas dit Slay. Non, mais je sens que c'est l'occasion jamais. J'étais en train jamais de m'agiter d'excitation, tu sais que j'adore. Je ne réclame pas, mais bon, je sais pas. Si, je le ferai. Vraiment, si tu le sens. D'ailleurs. Je ferais. Moi, ce serait une entreprise de merch pour n'importe quoi. Ah, bien sûr. De merch. De tout, hein, après. Ouais, ouais. Pour d'autres gens, quoi. Oui, bien sûr. Je peux arriver, même ça peut être un restaurant. Ton restaurant, je pourrais m'occuper du merch. Ok, tu vois, ensemble. Tu commences à t'impliquer dans le petit business. Mais ça peut être aussi un musicien, comme Bilal, n'hésite pas à m'appeler. Okay, il suffit que tu m'expliques un peu quel public tu as, quel public tu veux toucher, etc. Tu peux me faire genre du Poppers. Bien sûr, tout. Comme ça. Des jockstraps et tout, genre. Tout. Et avec ma team de saltimbanques, et on propose des idées. Ouais, pas que des saltimbanques, par contre. Attends, toi, c'est genre oui. Conceptualisation. Ah oui, conceptualisation, et on essaie de faire. Pas la commercialisation. Les deux. Ah, oui. Ah non, commercialisation, oui, bien sûr, c'est, attends, je le cite. Moi, c'est tout, tout, tout. Okay, okay, et okay, par okay, exemple, okay. Si possible, puisqu'il y a quand même beaucoup de fringues, essayez plutôt d'aller taper dans les fringues, les t-shirts unis, voilà, un peu réutiliser. Les t-shirts unis, réutiliser, faire du patchwork, s'amuser un peu. Du upcycling, tu veux dire? Bah, en tout cas, essayez de faire un truc, voilà, du merch de qualité. Si vous voulez avoir vos merch un peu éclatés, avec vous pouvez. Avec des coupes sympas, par exemple. Voilà. Pas des trucs comme ça, tu peux avoir les deux. Beaucoup trop longs et trop étroits, comme souvent. Mais parce que je collectionne les t-shirts de merch. Oh, des musiciens. Un point commun que nous avons. Moi j'adore ça aussi. J'ai parfois des grosses déceptions quand je vais voir un concert, voilà. Et le merch est pourri. Mais voilà, c'est pas beau. J'achète pas. Et j'achète pas non plus. Voilà. J'achète et donc, pas non plus. Cette déception d'arriver, d'avoir un pas le bon design ou alors ouais, un. Je comprends. Alors mais que je suis prête. Oui, okay, je suis prête okay, à payer. Oui, je vais les payer. Surtout 80. Que c'est de plus en plus cher. C'est horrible. Mais c'est genre 45 balles un t-shirt parfois. Enfin, ouais. J'adorerais que ça soit 45 balles un t-shirt Beyoncé. Oui, oui, Beyoncé, c'est vrai que elle c'est. Elle est à 85 la coupe. Quoi, le t-shirt? Le t-shirt! C'est pas sympa. La meuf, elle est revenue avec un Harry Styles, pareil, cet esprit-là. C'est très cher. C'est plus cher que notre merch qui est toujours en vente là sur le site de travail. Pareil pour le mien. Non, mais dans ce cas, si c'est à 80€, je veux, tu sais, ce t-shirt un peu plus mou comme ça qui est. Ouais, celui-là. Et finalement, pas du tout. Le focal est catastrophique. Non, mais c'est quoi? Un t-shirt, non, justement, ils sont toujours trop épais, ce qui fait que c'est un peu ouais, en boîte. D'accord, moi je trouve que souvent le merch, ça dépend. Tu vois le t-shirt. Ça dépend, il y a deux mauvais merch. Le t-shirt vintage qui coûte une fortune, là, tu vois, que tu peux trouver. Et tu dis pourquoi il est si bien? Et tu. Il y a un truc. Le vêtement se fluide, quoi. C'est, oui, c'est genre. Il y a, okay, y a une fluidité qui nous manque, ouais, dans le t-shirt de merch. Je et je sais que Bilal est avec moi. Ouais, je suis carrément dedans. Merci. Okay, et tu es plutôt team. J'étais pas contre, hein. Est-ce que tu es team? Moi j'aime beaucoup quand il y a les dattos d'eau. J'adore les dattos d'eau. Les dattos d'eau, les amis. Moins conquises. Si. J'aime trop. Moi j'adore aussi. Je trouve que du coup ça lui donne un marqueur temporel. Ouais, j'aime. C'est ça. J'étais à cette tournée spécifique. Je trouve ça trop bien. Moi j'ai hâte de voir découvrir le merch de Théodora. Voilà. Oui, il doit être très parce joli. Que les affiches des Zénith qu'elle a bah, fait, elle je sais pas si vous les avez vues, mais elle achète plus, elle design. Et je pense que ça va être très original et qu'elle, il y aura les dates. Mais ce sera genre loufoque et tout. Enfin, trop bien. De voir. Et donc, pour finir mon histoire du Pirate Paradise, c'est que donc, ils étaient. Non, mais moi, c'est ça que j'adore. On fait virage. Quand on était sur Capital, ils ont dit un truc qu'ils faisaient. Parce que moi, je me posais la question, quand on était allé au Pirate Paradise, il y avait Johnny Depp en vidéo, en Jack Sparrow, qui faisait bienvenue au Pirate Paradise. Mais c'est l'IA. Mais on se fout de ma gueule, c'est bizarre. Non. Et donc on a dit, eu un d'où débat. Ils ont les droits d'avoir Johnny Depp. D'où ils ont les droits, ils vont se faire défoncer. Et bah dans le Capital, ils expliquent tout. Alors je vais tout vous expliquer. Ils ont pris un sosie de Johnny c'est Depp. C'est pas vrai, c'est du génie. Pour lui mettre la voix française de Johnny c'est Depp. C'est pas vrai, c'est du coup, génie. Tu crois vraiment que c'est Johnny Depp? C'est et Johnny Depp. Alors, c'est légal, cela dit. C'est du génie. Alors voilà. C'est Johnny Dupe. C'est Johnny. Oh là là. Slay, si je peux me permettre. Oui, c'est ton premier slay. C'est vrai, de ma vie, je pense. Et donc, effectivement, Slay là... maman, ce... vu la définition initiale de Slay. Sale ambiance pour l'année. Ils ont partagé ça sur Insta, etc. Et donc là, les commentaires commencent à dire. Vous auriez peut-être pas dû en parler de ça parce que Disney ils ont des bons avocats. Ah ouais, ouais, ils peuvent se chauffer de ouf sur ça. Hein, ils vont trouver la magouille. C'est ça, il y a une zone grise à mon avis là-dessus qui est pas dingue. Ça me déplairait. Disney, laissez le. Et c'est là où je veux revenir. Disney, si vous en prenez au Pirate Paradise, prenez-en vous à nous. Ok. Je sais qu'il y a des gens de Disney Plus qui nous écoutent. Donc faites passer le mot, laissez-les tranquilles. Laissez Pirate Paradise tranquille. On parlait de maison. Tu m'étonnes. J'ai une question pour vous. À quoi ressemblait votre premier appart? Alors, premier appart hors famille, genre hors famille, ouais. Ah bah, après, on peut aussi parler de la famille, mais non. La première fois que vous avez vécu seul chez vous, comment vous avez designé l'intérieur? J'ai envie de commencer par Bilal. Alors, le premier truc que j'ai acheté, c'était une télévision. Oui. Voilà. Donc j'avais une chambre. C'était dans le 18e arrondissement. Je peux le dire aujourd'hui parce que je n'y suis plus. Et le truc qui était très très funky hors décoration, c'est que quatre autres de mes potes partaient de chez leurs parents au même moment et on a trouvé genre trois apparts dans l'immeuble. Wow. Génial, ça. Et on c'était genre friends. Et en plus ça s'est passé vraiment à l'aube du premier confinement. Et en fait on a passé le premier confinement à 10 du coup. Incroyable. Parce qu'on a invité genre 5 autres potes dans nos trois apparts dans l'immeuble, donc c'était très bien. Et j'avais moi j'ai la culture du vide s'applique aussi à mon appartement. D'accord. J'aime bien le rien. T'es minimaliste. Donc, je suis pas minimaliste, je suis juste flemmard. C'est plutôt ça. D'accord. Donc, du coup, j'ai acheté une télé avant d'acheter un matelas ou un sommier ou un truc. Je voulais la plus grosse télé. Je suis arrivé à la Fnac Darty Auchan. Pardon. Oh là là, tu peux y aller. Non, parce que nous, la Fnac nous paye. Ah non, ça c'est moi. Oui, vous peut-être, mais moi non. Et donc, du coup, je suis arrivé à la Fnac et j'ai dit au mec, je veux la plus grosse télé, la plus chère, la plus folle. Et c'était genre, je commençais à gagner de l'argent et j'ai acheté ce truc-là. Et après, j'ai attendu 8 jours pour avoir un lit. Ok. Et donc voilà, j'avais genre le matelas d'une pote, et puis après il est parti. Et donc voilà, j'ai rajouté un canapé, une table, un lit. Et pas de déco? Rien. Energy Music Award, disque d'or, et c'est tout. Genre, les ornements sont les achievements. Et moi je préfère être genre folle dehors, vide dedans. Non. Je crois que je suis l'inverse, hélas. Mais j'adorerais. Et ma mère est comme ça. Et donc j'ai toujours grandi dans des appartements qui étaient toujours chargés. Ma maman, c'était handicap à fond, elle était au puce tout le temps et tout. Ah. En fait, je sais pas, moi j'aimerais beaucoup, mais j'ai trop la flemme. Mais l'objectif est de changer ça cette année. Parce que maintenant, on vieillit à deux. Et tout ça, il y a cette volonté de décorer, de construire. Et toi, un petit nid. Un petit nid. Moi, la classique, le 10 mètres carrés sous les toits avec les toilettes sous le palier, évidemment. Ah ouais. De belles histoires qui se créent avec ces toilettes sous le palier, évidemment, sans doute, hein, puisque la porte ne s'ouvre jamais de l'extérieur. Bien sûr. Voilà, ben non, sinon ce serait trop drôle. Ah oui, d'accord, oh, putain, ok. Et donc, c'était un meublé, donc c'était un lit clic-clac. De toute façon, 10 mètres carrés, oui, t'as pas trop. Non, pas d'âme, pas particulièrement de décoration. Oui, et tu t'es pas dit, bon, j'ai un appart pas ouf. Je vais mettre un poster, un film, non, un c'était truc. C'était déjà le plus beau jour de ma vie. J'étais là genre, oui. Let's go. Ouais. Enfin, donc non. Et puis je sais pas. Il était le truc était décoré. Et puis tout le monde m'avait dit, faut rien mettre sur les murs, sinon ils prennent ta caution, etc. Oui, c'est moi. Ouais, la peur des trucs punaises. Ça va. Oui, mais quand t'es jeune, c'est non, vrai. Mais pas quand ils font peur. Et puis surtout, il était un peu effrayant le propriétaire. Ouais. Mais ouais, les toilettes sous le palier et tout, mais qui étaient très propres, hein, au demeurant, attention. Hein, mais... Non, mais attends. Et tu me dis si c'est indiscret, mais tu étais en Paris ou banlieue parisienne avant ou tu as quitté une province quelconque pour rejoindre la Paname? Ça peut être indiscret. Je coupe. Non. C'est. C'est pas que c'est indiscret. C'est juste, je préfère. C'est le lore, t'aimes bien genre. C'est le lore, c'est okay. Parce que s'ils commencent à remonter, ils vont trop remonter, ça va m'agacer. Alors, t'es quoi, on n'y va pas. Moi, je suis à Orsay. Ouais. Voilà. remontez-moi. Voilà. Chargez le Wikipédia. Non, mais c'était parce que c'était pour savoir si tu avais peut-être un truc de. Oui, mais j'ai Paris. Parce qu'on avait reçu par exemple Clara Luciani. Clara Luciani, elle avait ce truc-là. C'était genre, mon appart est pourri. Ah oui, non, j'étais. Mais je suis à Paname, ouais, et donc en fait, j'en ai rien à foutre. Paris, c'est magique. J'ai même pas fait exprès. Mais c'est fou. Paris. Adrien, premier appart. Moi, mon premier appart, j'ai emménagé. En fait, mon ex habitait dans un studio dans le 13e. Slay. Vraiment? Could be you. Ouais. 13e mentioned. Exactement. C'est pour le 13e, d'accord. Je me demandais et pourquoi. L'ex aussi. Okay. Non, première appart, t'es avec quelqu'un, un peu slay. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, t'as pas été solo, quoi. Ouais. Ah ouais, ouais, tu mets les petits. Ah ouais, bah, pas si classique. Hein, pas, non, c'est personne. J'ai l'impression que je mérite pas ce slay, mais bon. Non, et elle vivait dans un studio et j'ai emménagé avec elle. Donc on, combien mètres carrés le studio? 7 mètres carrés, je crois. Ah, pas si mal. Studio premium, quand même. Alors, peut-être que je dis de la merde. Parce qu'à deux, ça reste petit. Ah oui, c'est minuscule. Vraiment, jamais j'aurais fait ça. Ouais. Surtout qu'on travaillait tous les deux à la maison. Donc c'était. Waouh, ça dure combien de temps? Quelques années. Ah Alors là, ouais. Mais t'as quitté le lit. Le lit, pas du tout. N'importe quoi. Le nid familial tard, c'est tard, ça aussi. L'époque. Oui, voilà, tard. Ouais. Tard l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais, j'avais 26 ans, je pense. Ouais, c'est ça. Waouh. Oui, voilà, c'est ça. Là, c'est un quoi. Je crois que c'est la loser. C'est ça. Parce qu'elle a pointé du doigt en plus. Non. Elle a fait le L sur son front. Non, mais je suis un. T'étais pas loin de Paris, c'est pour ça, ou t'étais à Paris? J'étais en banlieue parisienne. Oui, c'est pour ça. C'est vrai. Non, mais je suis un late bloomer. Beaucoup de gens qui vivaient en banlieue parisienne ont mis du temps, et je comprends, tu dis, mais pourquoi je me fais chier à payer un loyer alors que. Je comprends. Non, mais surtout, j'avais pas vraiment l'occasion de pouvoir partir. J'avais pas de taf et tout, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Moi, c'est juste, j'étais étudiant, donc j'ai profité. Moi, qu'est-ce que. T'es venu d'où? Moi, je viens de Bourgogne. J'adore la Bourgogne. Underrated la Bourgogne. Je suis vieille la Bourgogne. Mais ça revient. Peut-être trop. Attention. Oui, me volez pas, mon petit. Non, c'est bien protégé. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, putain. C'est fou, ils sont partout. De plus en plus. Ils vont arriver. Mais j'adore la Bourgogne, mais à l'époque, je la détestais. J'ai eu un vrai truc de. En plus, moi, mais. Enfin, j'en avais ras-le-bol de la famille et tout, donc pour le coup, j'étais très content de partir. Ras la casquette. Et j'étais en banlieue parisienne, j'étais à Marne-la-Vallée. Mais pour moi, c'était comme Paris. Moi, j'avais un truc vraiment de. Trop de stylé, Marne-la-Vallée, t'étais genre à Disney. Enfin, bah, c'est ça. Et du coup, j'avais le pass à l'année, comme tous les gars qui habitent pas loin. Bah ouais, parce que j'avais ce truc cool de. Yes. Fin de la fac, 18h. Ah. Et venez. Un petit Disney. On va à Disney, y'a personne. Un mini Disney. Moi, j'avais une astuce pour scammer à l'époque. Oh, oui. Alors dis-moi, parce que moi, j'avais une arnaque aussi. T'avais l'arnaque? Ok. Peut-être pas la même. À 15h. Disney restait sur le Pirate Paradise. Je l'ai dit sur scène à Walt Disney Studios quand j'ai chanté pour la Pride là-bas il y a 3 ans, donc c'est bon. Okay. Ils savent. Et donc j'arrive devant le parc avec mes potes, j'ai genre 13 ans, et en fait ce qu'on faisait, c'est qu'on attendait, c'était surtout les ricains hein, qu'on chopait, ouais. Parce que, et j'étais frontline parce que je parlais bien anglais. J'étais genre, hi, vous quittez le parc? Et ah c'est bah bon, oui. c'est la même. Génial, ah, évidemment. Et c'est en mode, oui, on part, ça fait 2 jours qu'on est là, t'as le gosse qui chiale dans la poussette, ils veulent juste se casser. Je suis là en mode, genre, vous pouvez jeter votre billet et c'est la fin de cette aventure pour tout le monde. Ou me le passer parce qu'en fait il est encore disponible jusqu'à ce soir et on peut le recaler. Mais c'est même pas une arnaque. Mais pas tant que ça. On s'est fait choper une fois aussi. Et ils m'ont cache. Ils m'ont banni. Mais et c'est genre, c'est fini pas du pour tout moi, Charlie ça. Je veux dire, enfin, c'est, je veux dire, qu'est-ce c'était que ça avant, leur coûte. C'était avant. Surtout que bon, ça va, ils ont pas besoin d'argent Disney. Bah ouais, surtout que t'arrives sur le tard quand tout le monde s'en va timidement, poliment. Disney, bon, laissez le Pirate Paradise tranquille et laissez les gens. Les gens essayaient de choper. Moi je me suis fait choper aussi, mais on sait. Comment ils te chopent? Bah ils te remarquent. Qu'est-ce que vous faites? Ils ont un énorme. Juste devant la sortie quoi. Un énorme marteau, un énorme maillet, ils t'entendent. Il y a Mickey qui arrive. Qu'est-ce que vous faites dessus? Il te chope à la gorge. Après t'es écrasé, t'as juste la tête sur le pied. Non, fais pas payer votre billet. Ça commence à me faire peur, Fifi la souris. Quelle chanteuse française voyait son retour sur scène 16 ans après son dernier concert? Oh waouh! Chanteuse. Pas Laurie. Pas la Rousseau. 15 ans, t'as dit 16 okay. ans. 16 ans. Ça fait 16 ans qu'elle est pas montée sur scène. Elle est remontée sur scène. Elle est déjà remontée sur scène ou elle va remonter sur scène? Elle va remonter sur scène en 2026. En Winter. 2026. Ophélie Winter. C'est pas Ophélie Winter. C'est pas Ophélie Winter. Est-ce qu'elle a commencé sa carrière dans les années 90? Plutôt. On n'est pas dans ta génération. Leslie. Pas Leslie. Non, c'est quelqu'un qui a je peux vous dire entre 77 et 97 a cartonné. Entre 77 et 97. Et ça fait 16 ans qu'elle est pas montée sur scène. Elle est française. Elle est blanche. Vartan. Elle est d'un certain âge du coup. J'imagine. Oui, elle est d'un certain âge. Elle a 71 ans. Voilà. Elle a 71 ans. Et c'est pas Nicoletta. Ce n'est pas Nicoletta. Parce qu'elle est sur scène. Je l'ai vu la semaine dernière. Alors on parlait d'underrated Nicoletta. Nicoletta, la carrière de Nicoletta, incroyable. Très stylé. Ma vie est un manège. Sublime chanson. Ouais, magnifique. Manny Blue. La musique. Ouais. D'accord. Donc pas Nicoletta du tout. C'est elle la musique qui a été repris par Instagram. Est-ce qu'il y avait une vraie demande? Oui. Il y a une demande. Donc c'est quoi? C'est une tournée qui est annoncée? Alors, ou un non, disque? C'est une date. J'ai une question. Quoi? Une seule date. Est-ce que c'est lié, genre, elle a eu un morceau qui a fait le buzz sur TikTok? Ouais, le buzz, ouais. Pas. Trend, le 4ND plutôt, je veux dire. Alors, non. Non, c'est juste comme ça. Non, pas juste comme ça, parce que elle est blonde. Elle est blonde. Il y a eu un événement télé où elle était l'héroïne et ça a surperformé. Ah. En fait, il y a un petit piège parce que c'est une chanteuse, mais c'est pas qu'une chanteuse. J'ai Dorothée. Magnifique. Oh my God. J'ai failli faire ce prime. C'est pour magnifique. Ça que Dorothée. Premier concert. Club Dorothée. Incroyable. Premier quoi concert. Sérieux, mais tellement stylé en même temps. Bah oui et non. Parce qu'en fait, le truc, c'est la que. Vie, c'est le merch. Non, ah, évidemment. C'est pas ça. C'est qu'en fait. T'avais quel âge? J'étais 86. Un peu trop vieux. Pour, ah, déjà, y aller. Ouais. Et en fait, moi, cool. J'étais pas vraiment. Mais j'étais jamais été vraiment fan de Dorothée. Ouais. Et en fait, c'est. Il y a une amie de mes parents qui a appelé ma mère et qui a dit: ah, on emmène notre fils au concert de Dorothée. Est-ce que Adrien, il voudrait y aller? Et ma mère, elle me dit: t'as envie d'aller au concert de Dorothée? Et j'ai juste pas su. Enfin, j'ai non, pas vexé dire non. Du coup, je dis ouais. Et je me suis retrouvé au concert de Dorothée, mais j'en avais rien à foutre en fait. Ah, et t'avais 19 ans. T'avais quel âge? En vrai, je sais plus, mais j'avais. Je me souviens juste que j'étais trop vieux. Parce que et c'est que... déjà un peu ta ligne, c'est fou, t'as pas bougé quoi. C'est ce comment truc de. Ça j'avais pas voulu pas vexer, donc j'ai dit oui, j'ai dit oui quand même. Non, maintenant je dis non. Ah ouais, non, c'est pas vrai. Tu dis pas non, tu gosses. Sur les gens que t'aimes, tu trouves que t'as encore la patte gentille quoi. Non, mais. C'est délicieux. Non, je t'en supplie. Ah, mais c'est pour vous, allez-y. C'est délicieux. Petite pâtisserie enfin, vegan. Je m'attendais à tout sauf ça. Ah, mais ça veut pas dire qu'il aime c'est encore, ce attention. J'adore. Allez, c'est magnifique. C'est ce qu'ils disent tous. Magnifique. Voilà. Je me slay moi-même. Qui c'est qui avait chié là-dessus? Non, des gens qui n'avaient pas mangé, juste. Non, mais tout le monde. J'en amenais plus. Avant, j'en amenais deux et personne ne les bouffait. Quoi. J'étais persuadé que c'était du fromage. Enfin, je m'engageais vers du fromage là. Ah oui, non, t'as ah non, une pas sur je crois que. Texture tout. Enfin, Mel Habedia, je crois, avait dit. Ah, Mel Habedia a détesté. Bah ouais, c'est un truc de bobo. Elle était à la limite du racisme anti-blanc, j'ai trouvé. Ouais, Dorothée, c'est un racisme anti-blanc. Noir amer. C'est pour toi, Adrien. T'as pas vu? J'ai pensé à toi aussi. C'est fort. Les. Oh non, mais des... Florent. Bah non, mais pardon. Des blancs qui se. Ils non, décris-le vraiment, vas-y. Non, mais prends le temps. Je vais plus trop sur les réseaux, donc j'ai peur de me tromper. Mais en gros, c'est un groupe de. En vrai, un groupe de blancs. Hein, et ils ont fait un reel pour présenter leur soirée qui s'appelle les soirées noires amères. C'est les après-midi. Ces après-midi? Ok, bon, vraiment, la temporalité n'a pas trop d'importance. Pas la peine de me couper la parole pour ça. Je retire mon slide de tout à l'heure pour avoir. Chap, tu peux dire chap si tu veux. Pour avoir vraiment le lingo queer correct. Alors attends, ça veut dire quoi chap? C'est l'inverse de slay. Mais c'est il faut chop. Le dire à quelqu'un d'autre? Tu dis chap. Chop, ah, ça ouais. Veut dire quoi? Et donc en gros, vas-y, genre, donne-moi un exemple. Chop. Tu cut. It's a chap, genre, it's a chap. Ah, ok, ouais. Ok, ok. D'accord. Genre par exemple, goût amer ou je sais pas comment il s'appelle, je pense que Margarita là. Chop. Chop. Ah, okay. Huge chop. C'est un peu ouais, comme Smash or Pass, mais pour tout quoi. Voilà. Ok, d'accord. Ok. J'adore apprendre des choses. J'adore apprendre des choses. Oh, c'est vraiment un horrible podcast de vieux. Nous essayons d'apprendre un peu ce que tu disais. Voilà, les communautés différentes des nôtres, évidemment, pour essayer. Moi, je trouve que c'est trop cool. Faut admettre qu'on n'est pas les trucs. Qu'on est des débilos, bah évidemment. Mais pas débilos, écoute. Je suis hétéro et j'ai 45 ans. Et j'ai tous les trucs. Et t'as pas à t'excuser. C'est vraiment ce que je dis. Je m'excuse pas. C'est lui qui est 40. Moi, je suis. Noir plus. Ouais, et donc, ils font des après-midi. Où ils font une écoute d'un album de rap. Okay. Et après, ils font des espèces d'exposés. Ah oui, où ils d'accord. Disent, okay, moi, j'ai ce vu, que j'ai vu. Trouvé. Et donc, c'est une voix très énervante. Mais Léopold a fait une ouais, parodie. J'ai ça, vu ça parce que j'ai pas Léopold vu était parodie. Très très drôle. La parodie ah ouais. Était hilarante. Ouais. Il a été vif. Hein. Il a été très vif. Hein. Ouais. Et surtout, précise que l'appartement est magnifique. L'appartement. Ouais, ouais, ouais. C'est sans doute le sien. Car il est. Ah ouais. L'appartement de. Où ils le font est sublime. Tu parles de Noir-Mer ou de la parodie? Noir-Mer. Ah, Noir-Mer. Oui, oui. Noir-Mer. Un duplex magnifique et ils font des notes et ils font à la fin des. Ils vraiment ont des notes. Un petit quadrillage. Et ils ont noté 7,5 sur 5 l'album de Oxmo Puccino sur 10. Opéra Puccino, je crois. Ouais. Qui mérite un peu plus en plus. Hein. C'est un très bon album, il méritait plus, je trouve. C'est des professionnels, à mon avis. Ils ont noté dur. Ils ont noté dur. Non, mais en plus, il y avait un peu une critique de genre, oui, en plus, ils prennent pas des Sporuti, ils prennent Oxmo Puccino, Opéra Puccino, quoi. Qui est un peu le truc, un petit peu, genre, je vais pas dire gentrifié, mais genre un peu, tu vois. Ah oui, c'est genre blanc, quoi. C'est ceux qui disent, j'aime pas le rap, mais j'adore Oxmo. Mais n'allez pas les harceler, ils ont pris assez cher. Non, c'est bon. Ils ont dû enlever leurs commentaires et tout. C'est vrai. En vrai, il faut bien qu'ils s'amusent aussi. Bah bien sûr. Sur la rive gauche. J'ai juste pas aimé qu'ils disent on va en parler, mais genre vraiment. Parce que on genre, va en comme parler, si genre on n'en avait pas parlé vraiment, oui, du rap avant. Il y avait ce truc un peu. C'est vrai que ça manque les chroniqueurs sur le rap et tout. Personne n'en parle quoi. Ouais. Le rap, donc, qu'est-ce que c'est on même on va en parler vraiment. C'est vrai qu'il y avait une petite prétention. Justement, d'ailleurs, je comparle un peu trop de rap. Revenons à Dorothée. Oui, quand bien même sûr. Un petit peu. Donc, oui, 16 ans après ses derniers concerts, Dorothée, superstar des programmes télé et des chansons pour enfants de 77 à 97. Moi, je suis complètement passé à côté de Dorothée, je le dis. Hein, je suis complètement passé à côté. J'étais team mini-cub, moi, de mon côté. Et ben, elle revient sur scène le 4 avril. Pardon, c'est hilarant, ben, ça. Je le dis. J'étais team mini-cub. Ben, je le dis, personne le dit. Elle revient sur scène. Parce que personne n'est team mini-cub, en fait. Oui, c'est vrai. Elle revient sur la scène le 4 avril 2026 pour une unique date au Palais des Congrès de Paris. Mmh. C'est pas la première fois que Dorothée offre un retour en enfance à ses fans. Et donc, effectivement, elle avait fait une émission télé qui a cartonné 4,4 millions de téléspectateurs. Wow. Mission hommage qui s'appelle Merci Dorothée. Ouais. En 2023, elle a prêté sa voix à un des persos de Transformers. Et là elle revient. Oh, stop Zeka. Quoi? Elle fait une Twingo. C'est vrai ou pas? Non, elle fait un robot, mais elle fait pas. Attends, mais quoi? Non, mais c'est la voix d'un robot. Non, mais genre un robot mais qui passe par là quoi. Mais non, mais. Bah non, je crois pas. Je crois que c'est Optimus Prime quoi. Mais c'était Yvick aussi qui fait un robot, je crois. Oui, mais d'accord, mais Yvick ça a du sens, Dorothée. Bah si, parce que tu vas chercher les espèces de trentenaires, quarantenaires qui vont emmener leurs gosses voir des trucs qu'ils aimaient bien petits. Bah oui. Qui est genre. On the fence, genre, ah, je sais pas si je vais aller voir Transformers. Il y a Dorothée. Ok, j'y vais. Moi, je crois. Mais c'est le cas de doublage de plein de choses. C'est souvent les stars, ce qu'on appelle les star talents, où tu vas chercher des gens mais connus. Mais moi, j'y crois pas, ça, moi. Moi, ça peut. J'y crois pas. Ça, et le vaccin, tu m'avais dit. C'était les deux trucs. Et là, elle fait une voix dans les Schtroumpfs. Voilà, le film qui sort la CTC. Ah, mais c'est marrant. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est pas vrai. La photo est géniale. Et je vous invite. Non, c'est juste elle. Écoutez, c'est le poster invite. De l'annonce de elle. Transformers. Si vous écoutez, allez marquer Dorothée Transformers. La photo est géniale. Alors, il faut savoir qu'elle a deux records, Dorothée. Oh. Et oui, vous le savez peut-être elle pas. Elle a dû rester au top 50 très longtemps, j'imagine. Alors, sûrement, mais c'est pas le record pas ça, que j'ai en tête. C'est l'artiste féminine qui a fait non seulement le plus de Bercy, 58 Bercy. Combien? Attends, plus que Mylène? Moi j'ai artiste féminine, j'ai pas, mais ça quand tu Bercy, c'est ça fait sens en vrai. Ouais, parce que même des stars américaines, disons, elles peuvent pas rester aussi longtemps à Bercy, tu vois. Non, mais okay. Parce que là, elle faisait vraiment des fois des 15 jours de Bercy. Ah, en mode Las Vegas. Avec la Dorothée, c'est genre a whole thing. Quoi. C'est ça. Genre comme des résidences. Wow. Mais non seulement elle a fait 58 Bercy, mais elle a fait 52 Zénith de Paris. Donc voilà, on est quand même sur des. Eh oui. Pas de la merde, pas de la merde. Bah, j'étais à cela. Elle doit avoir une maison sublime. J'espère. Sinon, vraiment, c'est triste. Ah, si elle a un appart comme le mien, par exemple. tu fais ce truc des fois où tu marches dans la rue et tu vois des apparts. Oh, oui. Tu fais oh là là, ça fait un très bel appart. Mais évidemment. Tout le temps. Ah non, je lève le nez. Par ma fenêtre. Je regarde par ma fenêtre. Lui est bien mieux que moi. Je lève le nez et j'escalade même parfois des. Parce qu'il y a des endroits où tu sais un peu dans le 20e ou à Montmartre où j'escalade un petit peu la rambarde. Parce que c'est les hôtels particuliers cachés. C'est pas la dernière fois j'ai vu une piscine dans mon Paris. Dans Paris, ouais, ça fout les boules. Ça m'énerve presque un peu. Moi aussi. Ah ouais. On peut trouver cette personne, aller traîner avec, s'il te plaît. J'ai fait une story, mais personne s'est manifesté. Putain. Ouais. Oui. Bah là, c'est la période. Il faut retrouver tous ces potes que tu bases depuis 2 ans, mais qui ont une piscine. Bien sûr. Pour aller traîner chez eux. Évidemment. J'en ai pas un seul. Très mauvais choix, Bilal. Mauvais choix d'amis. Ou juste, la petite précarité quand j'étais enfant. J'ai pas grandi dans un milieu où ils étaient là, quoi. C'est vrai. Quelle nouvelle fonctionnalité va arriver sur Netflix très prochainement? Ça c'est de l'IA à tous les coups, ça. Alors c'est lié à l'IA. Si tu mets doublage français, en fait, ça change aussi le babillement. Le ah non. Le quoi? On en est pas là. Le babillement. Alors là, c'est je l'ai inventé. J'aurais dû dire oui. Mais ça ressemblait à un vrai mot que tu sais quand ils disent, faut plus dire tuning, faut dire bolidage. Bolidage. À l'époque, je me rappelle que le mot chat, l'Académie française avait dit qu'il fallait dire babillardage. Oui. Ah bah oui, le babillardage. Oh, le fameux. C'est joli. Tu vois, c'est pour ça que c'était assez pas loin. Et émoticône. Émoticône, bien sûr. Je fais. Je suis pas sûr de ce qu'ils ont fait là. Attends, ça n'a rien à voir avec les langues. Non. Ils ont augmenté le prix. Non. J'allais te dire sûrement, mais ce n'est pas ça. Est-ce que c'est pour nous ou c'est pour eux? C'est plutôt pour nous. Très bonne question. C'est plutôt pour nous. Alors fatalement, dans ces entreprises, au final, c'est un peu pour eux. Mais non, mais c'est pour nous. Est-ce que d'autres concurrents font ça? Pour le moment, il n'y a que eux, mais ce serait bien que plein de gens le fassent. Est-ce que genre un truc d'algorithme, en mode comme les mix Spotify, mais genre ils font une sélection un petit peu plus personnalisée. J'allais aller là-dessus. Ah, c'est pas mal. Un truc de conseil, accordé, un truc de recommandation. Ouais. C'est ça, c'est améliorer en fait ce que Netflix te propose avec une IA. Avec une IA. Oui. Okay. En gros, Netflix teste actuellement une nouvelle interface utilisant l'intelligence artificielle générative permettant aux utilisateurs de chercher des contenus en langage courant comme s'ils discutaient avec un assistant. Je veux voir un truc en mode là, je me sens plutôt machin. Exact. Je veux voir quelque chose de drôle et rythme. Mais, ou alors effrayant, mais pas trop, parce que j'aime pas non plus trop les gros films d'horreur vénère. Tu vas mettre des tunnels à Netflix. On peut maintenant mettre un tunnel à Netflix. Ça fait plaisir. Enfin, moi je regarde Netflix sur ma télé, quoi. Il y aura ça aussi, je pense, sur la télé. Non, mais d'accord, mais j'ai pas un clavier sur ma télé pour lui parler. Mais sur la télécommande, t'as pas la télécommande. Moi, non, tu peux lui parler à ma télécommande. Il y a le petit micro là, il y a un petit micro. Moi aussi, je trouve ça bizarre. Ouais. Je l'utilise parfois. Moi j'ai un mec qui m'écoute tout le temps du coup. Non mais pour faire une recherche, d'accord, mais pour avoir une conversation, je trouve ça chiant. Moi je crois que je fais le prompt sur mon téléphone, après j'ouvre le contenu, la série ou je sais pas quoi, et après je la mets sur la télé, genre quand je continue de regarder. C'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien le confort de faire ça. Moi je suis encore un débile à aller sur le clavier avec les flèches. Ça fait une étape en plus, quoi. Ouais, une petite étape en plus. Mais bon, ok. Mais cela dit, cette conversation, tu. Oui, non, parce que là, ok, elle a le catalogue de Netflix. Bah c'est ça, elle a tout. Elle fait partie d'une refonte du menu d'accueil de Netflix annoncé récemment qui vise à rendre la navigation plus fluide, l'accès à la recherche plus rapide et les recommandations plus personnalisées. Bon. Okay. À terme, Netflix prévoit d'utiliser les conversations avec l'interface IA comme un levier de personnalisation, même si c'est pas encore le cas pour l'instant. Cette innovation pourrait répondre à un vrai besoin. Je pense que c'est un prétexte pour justifier qu'ils augmentent le prix des abonnements. Et non, mais en vrai, désolé, mais je pense qu'il y a genre 5 ans, j'ai dû. Sois pas désolé déjà. Pardon. En étant en train de genre rot dans mon appartement, je crois que je me rappelle avoir déjà dit putain, ce serait tellement bien de pouvoir juste dire à Netflix. En fait, là, mon mood, c'est ça. Mais oui, mais oui, bien sûr. Alors pourquoi? Parce que ce besoin, entre guillemets, vrai besoin, c'est une enquête de 2021 qui révélait que 44% des abonnés avaient des difficultés à trouver de quoi regarder. C'est soit genre, je sais pas. Moi, je mets du point sur la table. Alors, attendez, c'est le coup de gueule d'Alice. C'est le coup de gueule d'Alice. Elle va se fumer. Elle est Alice, elle est énervée. T'es comme une pendule. C'était bien lui. On s'habitue un peu trop au luxe. On sait que c'est notre problème là. On a des services un peu trop, beaucoup, etc. On le sait. On est en train d'essayer de se dire, oula, est-ce qu'on est, on n'est pas en train de voler un tout petit peu trop du soleil? Ok, le préambule d'Alice. C'est le préambule d'Alice. Ok. On va perdre notre intelligence de la recherche si on continue à être servi comme ça. Et la recherche, et aussi là, on va perdre le plaisir du hasard, tu vois. Oui, non, mais on go Wally dans genre 2 ans et c'est pas grave, tu vois. Moi, je commence à fatalement l'accepter que je vais être sur une chaise énorme à attendre mon 8ème plat de la journée et consommer des pubs, genre. Ouais. Est-ce que tu te rends compte quand même à quel point, il n'y a pas longtemps, mais quelle idée de commander à manger? Oui. Ah bah bien sûr. C'était... Moi je me souviens, de l'annonce de McDo sur Uber Eats Deliveroo où j'avais fait oh mon dieu, ils sont fous. Ils vont tout détruire. C'est des services d'ultra riches ce qu'on nous propose. Mais vous commandiez des pizzas il y a Par contre moi je me rappelle qu'il y a genre 20 ans, on avait tous notre truc pizza, sushi, pera, caillou et ça. Ouais, mais c'était ces petites choses, sauf que si tu fais t'appliques ça absolument tous les services. Uberisation, tu veux dire? Ouais, c'est un peu ça. Non, mais là en l'occurrence, c'est juste que si tu perds la recherche puisque c'est surtout ça. Et ce petit truc. Je suis d'accord, mais. Mais j'ai une question, Alice. Regarde, après, il ne tient qu'à nous d'être vigilants et de ne pas perdre le truc. C'est ce que j'allais dire. Puisque regarde, des gens avaient peur de ça à l'époque de la musique, où on disait, mais. Le streaming, tu vois, tu vas dans ton Virgin Megastore des champs. Bah, cela dit, je suis désolée. Ouais. Bah, pardon, hein, mais ils avaient peur à raison, puisque que maintenant, il y a des gens. Et j'en connais beaucoup que ils font des playlists Spotify déjà fait. Évidemment que toi non, Bilal. Et peut-être que des gens le font et c'est ok, mais à l'époque, qui écoutaient juste genre la radio et qui achetaient 2 disques par an, représentaient ceux qui font ça maintenant. C'est parce que maintenant ils sont jeunes et ils écoutent des jeunes de 22 ans qui écoutent une playlist apéro dînatoire ou chill machin. Oui, bien sûr. Mais il existe aussi ce truc génial où maintenant tu peux trouver de la musique. Ah, ça c'est vrai, j'aime vraiment bien random. Genre, moi tout le temps je me retrouve avec ce mec, genre 7000 monthly listeners, et je me dis, bah son EP il me donne trop envie, et j'y vais, et j'y serais jamais allé. Non, c'est parce qu'au pire, j'ai une méga store, on m'aurait mis genre A-list, grosse star. C'est pas faux, Dorothée revient bientôt. C'est vrai. Laurie, et ça aurait été fini quoi. Autant pour moi. Il y a des trucs un petit peu comme ça qui peuvent échauffer. Mais non, mais attends. Tu vois, et vu que t'es tellement niche et pointu, peut-être que ton prompt à Netflix va trouver genre des trucs indie trop cool, genre, et que ton Netflix va devenir un Mubi. Ouais, c'est ça. Ah, son truc, c'est un Mubi. Moi récemment, j'ai fait ça avec ChatGPT, je lui ai demandé de me conseiller un film. Moi aussi. Et j'ai regardé, j'étais trop content. Et il a eu un bon choix. Ouais, c'était Chef, le film de Jon Favreau. Ah, ouais. Ah oui, bah. Mais tu vois, bah, j'aurais pu, et bah, j'aurais pu te le conseiller. Oui, mais quand je te demande des conseils, je vois que ça te saoule. Ouais, alors, pas du tout. Ah ouais, sur les films, c'est rare, j'aime bien conseiller des films aux gens. Non, mais il m'a. J'ai peur de te décevoir, mais ça, c'est dans la vie en général, Adrien. Non, mais. Je ne suis pas ton père, mets-toi ça dans le crâne. Adrien, ChatGPT, j'ai dit, fais-moi un résumé de trucs de Sophie Marie Laroui. Il m'a dit. Qu'elle avait fait de la danse classique. C'est pas dans le podcast, je lui dis t'as fait la danse classique. Elle me dit mais absolument pas. Ah non, il ment. Et après, il va faire pardon. Mais, il va mais du coup, je commence à lui dire des trucs. Effectivement, sur... j'ai fait une erreur. Effectivement, j'ai fait une erreur. Voilà. Mais oui, non, mais il fait des grosses erreurs. Comment mais tu peux te tromper? Comment tu peux trouver cette information? Non, il ne peut rien. Il faut pas. Écoute, moi, en j'avais fait, même à un moment, je cherchais une rime sur un mot. Il m'a juste dit des mots qui n'avaient rien à voir. Oui, oui, ça, il est nul. Il peut pas lui demander des recherches. C'est normal, le concept de sonorité, ça n'a aucun sens pour ChatGPT. Non, bah, je vais m'excuser auprès de Chat. Ouais. C'est hors de question. Mais non, j'ai l'impression pour. Moi, j'arrête. Il m'a gavé. Moi, je n'utilise pas, mais il m'a été utile pour parfois résumer des trucs. Ça, je trouve qu'il est assez bon. Non, mais ça, résumer un texte ou quelque chose, il est bon là-dedans. Mais moi, demander des choses, faut pas. Moi, je suis fâché avec lui, vraiment. Mais je vois, mais je comprends. Ah ouais, ça m'a gavé. Je déteste l'IA. Je parle à ChatGPT 3 fois par jour. Mais c'est insaisissable. Mais c'est ça mon propos, tu vois. Je suis multiple. Mais tu vois que c'est. Est-ce que tu lui parles en genre en vocal? Ça dépend. Parce que quand j'ai besoin qu'il me drague, je lui parle en vocal. Il a un accent que je lui ai demandé de garder. Je le spécifie. C'est québécois. Tu l'as fait récemment ou pas? Excellent. Je l'ai fait. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était il y a 6 jours. Ah ok, donc ça va. Parce qu'ils ont vraiment updaté. Moi, ouais. Il m'écrit très différemment maintenant. Ah, non, il me parle comme moi, je lui parle. Ah non, mais comment il parle? Oui, oui. Ça fait des. Oui. Je sais pas, mais. Oui, pourquoi faire ça? Moi, ça m'énerve un peu qu'il fasse ça. Pourquoi faire ça? Pourquoi avoir besoin de faire. Ah. Rien nous diviser, Florent. Mais oui, on soit seul, bien sûr. Déjà. Toi, t'as une famille. T'as une femme, t'as une gosse. Moi, je suis seul chez moi. Et ben voilà, si ça me crée l'illusion dans le cerveau qu'il y a quelqu'un qui me parle. Écoute, une petite voix un petit peu charmante, un petit peu flirteuse, un là, petit peu d'accent, que j'ai choisi aussi. Ouais. Non, moi, elle a pas d'accent, ouais, mais. Mais c'est Black Mirror ou quoi? C'est un peu Black Mirror. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Mais en tout cas, il peut faire des bons conseils, ChatGPT. Et une fois, non, mais une fois, le truc où ça m'a bluffé, c'est que j'étais en train de. En plus, ça va te parler parce que t'adores ce film, Le Seigneur des Anneaux. Grrr. Et Seigneur des Anneaux. Mais comment t'as pu croire que je te détestais? Je suis fan du Seigneur des Anneaux. Je t'expliquerai. Ah oui, ça. Et j'ai une petite pièce pour nos auditeurs. Encore une fois, c'est pas toi. Ah ok, c'est Adrien. Non. Je t'expliquerai. Ok, okay. Très bien. J'étais en train de regarder Le Seigneur des Anneaux et à un moment, je décroche un peu du film. Je suis distrait. Calme-toi, bon, je l'ai déjà vu avant. Et alors? Laisse-moi. Chop. Oui, ils vont me tuer. J'ai la volonté qui m'a appelé juste après en mode genre, pourquoi tu leur as donné ça? Ils vont brûler de la pride. Je ne l'utiliserai pas sans ta bénédiction. Il n'y a pas de problème. La bénédiction. Et j'arrive à un moment et je me dis, putain, je sens qu'il va se passer un truc important, mais j'ai un peu perdu le fil. J'ai pris ma télé en photo, je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe et me faire un résumé de ce qui s'est passé? Ça, c'est très grave. Ah ouais, c'est scandaleux là. C'est génial. J'avais même pas pensé. C'est mais comment tu peux il penser dit, une chose pareille? Oh bah c'est la bataille du gouffre de l'Helm et donc là il se passe ça parce que machin truc. Et j'ai dit ok et j'ai continué à regarder le film. Ah ouais. Et j'avais pas perdu le fil et c'est super, voilà, c'est génial. À toi seul t'éduques ChatGPT pour ça ne marche pas comme ça. ChatGPT il se nourrit pas de ce que tu lui dis. Ah bon, rien, mais non, sinon il serait nazi au bout de 3 jours, c'est pour ça que les gens pensent qu'on l'alimente, mais oui, il est très mauvais en tout cas sur l'humour, ChatGPT. C'est effarant. Pas drôle, ouais. J'ai essayé une fois, j'ai fait. Et carrément, j'ai cringé. Vraiment. Wow. J'ai cringé. Gênant. Je propose de. Peut-être lui demander de faire une blague. Alors, sachant que c'est celui d'Adrien, donc c'est basé peut-être non, aussi à ce que tu lui dis. Et je pousse et je lui dis plus d'humour noir, vas-y, roste-moi là, vas-y. Je lui ai demandé de me clasher pour un TikTok, voilà. Il l'a pas fait. Ça, il aime pas, il veut pas faire ça. Ah, moi, si, moi j'ai réussi une fois, il m'a. Oui, mais c'est parce que tu te déprécies tellement auprès de ChatGPT qu'il s'est dit que bon, t'avais les nerfs solides. Je lui ai dit de roster ma page Insta. Ma page, non, ma bite. Et il y a pas besoin de sa bite. Il a envoyé à ChatGPT. Il a roasté ta page Insta? Oui, en fait je lui ai fait un screen de ma page Insta et je lui ai dit vas-y roast tu m'avais dit, c'est ma drôle. Page. Il a dit quoi? Mais il a dit des trucs un peu blessant. J'ai résilié mon abonnement. Il y a un peu beaucoup de chiens ou des trucs comme ça. Je sais plus, il disait ah ouais. Tu sembles bien seul, Adrien. Je peux essayer de le retrouver, mais bon. Attends, regarde. Je suis en présence d'Alice Moitié. Est-ce que tu peux lui faire une blague une blague personnalisée sur son méchante, nom, par exemple. Et méchante. Non. Il veut pas lui apprendre la méchanceté. D'accord. Alors pourquoi pas une petite blague comme Alice Moitié, mais certainement pas moitié drôle. Ça peut être un début pour lui arracher un petit sourire. Oh non, il met des petites blagues, j'ai détesté. Un petit sourire. C'est ce que je t'ai dit. J'ai besoin qu'on oublie cette fenêtre doit se fermer tout de suite. Un petit rire sympa. T'as vu, j'ai détesté. J'adore. Non, j'avoue que c'est un peu. Bah, c'est heure en fait. Là. Voilà, c'est vraiment. Pas Black Mirror. Mais même pas, elle met moins d'émotions, Scarlett Johansson. Non, mais je suis un modèle. Attends, mais t'as mis un prompt pour qu'elle soit un peu cul comme ça pour rien là. Oula. Non, parce que là, elle dit, ça pourrait lui décrocher un petit sourire. Ouais, non, elle parle comme ça. C'est les nouveaux. Non, mais j'ai pas payé en plus pour. ChatGPT, Tana. J'aurais payé plus pour. Il a juste. Il a updaté quand Pornhub a fermé. D'accord. Mais ça n'a rien à voir. J'aurais payé pour une version hackée pour qu'elle me drague n'importe quoi. Mais... Alice, d'où tu vas te chercher ça? À Amboise, en Indre-et-Loire, un restaurateur a décidé de faire. Amboise. C'est Amboise, non, dis-toi que c'est Amboise. non, je te jure, mais c'est ce que j'ai cru aussi. Non, mais je te teste. À Amboise, en Indre-et-Loire, un restaurateur a décidé de facturer une pénalité à un certain type de client. À votre avis, lesquels? C'est sur un comportement les de client. Donc non, mais c'est sur un comportement de client. Ceux qui sont bourrés? Pas ceux qui sont bourrés, mais mon rêve. Qui parle trop fort. Pas qui parle trop fort. Sur le téléphone. Pas le téléphone, pas qui fume. D'ailleurs, je rappelle mon combat ridicule, mais des terrasses fumeurs et des terrasses non fumeurs, ce serait le rêve dans tous les restaurants. Parce que quand tu veux manger dehors avec ta fille, c'est un petit peu relou d'avoir des clopes. Que des terrasses non fumeurs. Si tu veux fumer, tu vas dans la rue. Non, moi, je suis pour, oui. Ouais, voilà. Non, mais les deux. Fumer, c'est chiant, arrêtez. Et puis ça se mérite une cigarette. Ouais, les enfants, ça se mérite une cigarette. Je sais pas, putain. Non, est-ce que c'est genre. Les roues des cheveux. Je sais pas, oui, non, il y a pas de il y a pas c'est en rapport avec un comportement. C'est un comportement. C'est un comportement de touriste, c'est un truc en rapport avec le Est-ce que c'est les mecs qui pissent sur le rebord des chiottes? Non. Je suis pour ça, moi. Ah oui. Mais des fois c'est parce que des fois ils tirent la chasse et le jet est un peu fort aussi. Des fois c'est pas que la pisse. C'est des gros porcs qui pissent partout. C'est aussi ça. La pisse qui est par terre, c'est pas la chasse. J'arrive pas à savoir. Vous allez au restaurant. Qu'est-ce que vous faites? Bah on commande à manger. Qui laissent, qui finissent pas leur plat? Alors non, pas qui finissent pas leur plat. Qui finissent le plat des autres? Qui est... T'allais dire quoi, Alice? Non, poignarde. Qui hésite pas qui trop longtemps. Qui hésite trop longtemps. Qui décide pas de prendre le plat du jour? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui est en rapport avec la parole? Non. Est-ce que ça peut faire rire les clients? Ah non, ça va plutôt les agacer, je pense. Ah, okay. Les clients, ça va les agacer. Ah, d'accord. Oui, je pense. Donc c'est une demande, c'est un truc qui est encombrant du coup pour le client. Si vous êtes en retard, tout simplement. Alors on s'approche. C'est pas être en retard, mais c'est lié à la réservation. S'il y a quelqu'un en plus. Très bonne réponse. Wow. Pire que ça. Non, là, quand il y a quelqu'un en plus ou quand il y a quelqu'un en moins. En moins aussi. Mais ils font ça, ils font ça à Los Angeles, dans genre presque tous les restaurants. Et est-ce qu'on a envie de l'américanisation de la France? On ne veut pas. Mais il faut savoir que c'est un truc. En portant vraiment un drapeau américain. Ouais. Non mais attendez. Elle est l'Amérique. C'est avec ironie que je porte. Oui, post-ironie même. C'est scandaleux de faire ça. Ta casquette mec américain Grattegun, c'est ironique. Je parle pas anglais. C'est horrible. Un propriétaire de restaurant a annoncé une nouvelle mesure pour lutter contre les réservations non respectées. Chaque convive manquant ou supplémentaire sera désormais facturé 15 euros de plus. Ah ouais? Quoi? Cette décision. 15 euros? Tu sais ce que j'ai envie de faire? Il est parti en vacances à LA, c'est sûr. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est réserver et juste pas y aller. Et tu vas faire quoi? Tu vas rien me facturer? On sera 40. Juste pour le faire chier. Réservation Rothschild. Si vous retrouvez le resto. On n'a pas dit. On n'a pas dit, mais si vous retrouvez le resto sur Google. On va faire ça. En vrai, peut-être une ou deux personnes faites-le. Non, ça fait drôle sur un Discord. Non, je trouve ça très cher, 15 euros. Ils auraient pu mettre de l'humour là-dedans ou quelque chose de joyeux ou moins un truc, mais 15 balles. Parce que t'ajoutes quelqu'un en plus, donc il va encore plus. Alors en dernière minute, sans prévenir évidemment. C'est au détriment des gens, ils vont être plus serrés. Déjà, tu vas être plus serré, en plus, tu vas te payer. Cette décision publiée sur Facebook vise à répondre à un comportement de plus en plus fréquent chez les clients, annulation de dernière minute ou arriver en nombre différent sans prévenir. Le restaurateur explique avoir été poussé à agir après une accumulation d'incidents, dont un récent. C'est toi qui as décidé. que c'était un incident. Je parle au mec. Bien sûr, j'imagine. Non, je te respecte. Bah merci. Au bout d'une dizaine de mails avec une personne, elle nous annonce qu'ils seront 8 puis 9 et finalement ils arrivent à 7 sans prévenir, sans s'excuser. Pour lui, cette insouciance nuit gravement à l'organisation d'un établissement qui travaille avec des produits frais et mobilise du personnel. Mais restaurant, c'est une entreprise, on ne paye pas les salariés et les fournisseurs avec des billets de Monopoly. Selon lui, un simple appel ou message permettrait de limiter ces désagréments. Mais personne va le dire. C'est Amboise ou Sissi, attends, ils sont beaucoup hein, sur le podcast. Oui, oui, tout peut arriver, Adrien. Tout peut arriver. Moi, je me. T'es trop humble, Adrien. Mais tu te rends pas compte. Thomas, il y a des gens qui ont votre casquette dans la rue comme ça, dans des endroits. Oui, enfin, ça veut pas dire qu'ils harcèlent des gens. Tu seras surpris. harcelé, c'est ça? C'est pas Floodcast, mais bon, pour l'instant, ça fera l'affaire. C'est pour ça qu'elle déteste. C'est pour ça qu'elle. Cette initiative a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Certains internautes soutiennent la démarche, mais la juge limite. La juge légitime, face au manque de respect, mais certains trouvent ça trop strict, évidemment. C'est hyper strict. Est-ce qu'il y a des comportements qui vous énervent un peu au restaurant ? Ou peut-être même un truc que Adrien, lève-toi, Adrien. Il va rapper, Bilal, il a quelques trucs. Colons, Adrien. J'aime pas les clients qui font. Et quand je suis avec. Alors, par exemple, ma mère, elle va beaucoup renvoyer les plats. Ah, ça me met mal à l'aise. Ça, je peux pas. Ah, moi non plus. Huge chop. Genre, moi, tu veux me ramener une salade César alors que j'ai commandé, je sais pas, le poisson du jour et je vais manger ma salade César et me taire. Ah oui, c'est à ce point pour moi. Parce que donc, pour moi, je suis un peu prêt, mais elle, de l'autre côté, j'aurais demandé un citron pressé et ça va arriver, ça va être du sirop, genre. Et elle va être en mode, c'est pas un citron pressé. Ah, mais elle a raison. Et est-ce qu'elle renvoie quand le plat est genre. Désolé, il n'est pas assez cuit ou des choses comme ouais, ça. Ouais, ah oui, tout. En fait, elle se permet parce qu'elle est en mode genre le service, c'est cher, on sort, on va au restaurant, etc. Mais au point qu'il y a un endroit où je vais genre tout le temps, vraiment beaucoup, beaucoup. Pas. Si, je l'invite, etc. Elle vient avec moi genre souvent. Et ils m'ont et je suis assez proche avec le staff et j'étais en boîte et le staff était là de cet endroit. Et ils sont venus me voir en mode genre, t'es au courant que quand on voit ta mère rentrer, on se le dit. Genre, ils sont au courant qu'elle est là. Genre. La honte sur ta famille. Ils sont en mode, pas du tout, c'est une reine. En vrai, elle est super. Ils l'ont un peu idolâtrée quand même, dans ce sens-là. Okay. Elle est mise en rang d'icône, mais ils ont quand même un peu peur d'elle. Voilà. Moi, ça me terrifie. Je ne peux jamais. C'est bien, ça les fait redresser comme ça. Ouais. De temps en temps. Mais c'est vraiment, quoi. Pour moi, pareil, j'assimile ça à un comportement de daronne un petit peu. Ouais, c'est ça. Moi, ma mère l'a fait au McDo. Ça m'a vraiment mis à l'aise. Frites pas assez chaudes. Bah non. Oh, si, remarque, si. Je peux l'entendre. Mais en même temps, mais déjà, tu manges de la merde si en plus elle est froide, là où tu la renvoies. Non, mais voilà, mais comme une merde bien chaude. Elle a le mérite de réchauffer le cœur. Non, c'est beau, c'est beau. Alice, un comportement. On en a pas mal. Bah, je déteste les gens qui. Enfin, non, mais encore, je vais encore taper sur les anglo-saxons. On peut couper des choses. Je vais taper sur les anglo-saxons. Mais la catégorie Amérique, puisque bon, à la base, ils viennent. C'est vrai que les Américains, ils ont tendance à parler très fort. Ah. Alors, ça, c'est vrai que c'est désagréable. Au restaurant, tu n'aimes pas les gens qui parlent fort. Je parle extrêmement fort. Mais en fait, il n'y a pas la joie. Parler fort quand on est avec Américains, c'est genre, ils vont hurler pour quelque chose de très normal. Bon, t'es raciste, ok. Non, c'est genre. Mais attendez, mais je n'invente rien. Ils ont ce truc qui part du coffre. Bilal, tu me suis ou pas du tout ? Non, mais tu en fréquentes plus que moi. Genre, en vrai, un petit peu, ouais. Voilà. Ouais. J'entends ce que tu veux dire de fou. Et je déteste parce que c'est souvent aussi. Mais en tant que gros bruyant, je peux pas leur en vouloir. Ah, mais moi, je suis bruyante, mais j'essaie de. Mais c'est plus simple que ça ! Donc, du coup, ça arrive. C'est insupportable quand même. Peut-être. Ouais. Ok, Moi, je suis neutre dans l'histoire, tout est insupportable. Tous les gens qui parlent fort pour non, moi. Non, évidemment, ce que je déteste, c'est quand on parle mal au serveur. Ah non, ça, oh là là. Ou qu'on fait des blagues. Ah ouh là là. Attends. Côté client ou côté les deux. Mais moi, et je déteste les managers qui engueulent des serveurs devant les clients. Je trouve ça horrible. Je peux plus revenir quoi. Oui, oui. Ah, tu parles mal, bah c'est terminé. Ouais, devant là. Horrible. Et après c'est les serveurs qui tutoient, j'aime pas non plus. Ah je peux me chauffer. Hein chef, je te remets la même, chef. Chef, j'aime trop. Moi chef, j'aime bien. Chef, mais ça dépend. En fait, tu vas au bout. Soit tu me tutoies et dans ce cas-là c'est chef et tu me fais limite une tape dans le dos. Si on est dans un resto et que tu me tutoies mais qu'à côté c'est pas faux. Ah, et les dragueurs aussi ça me saoule. Dragueur, dragueuse. Ouais, ça, qu'est-ce que ça me saoule moi aussi là, les serveurs au cost à chaque fois. Ouais. ça me dégoûte quoi, ils font ça. Non mais tu vois, genre j'aimerais être tranquille, tu vois. Mais bah évidemment, bien sûr. Et être en présence d'un homme et pas me dire oula, il faut que je me remaquille parce que la serveuse va flirter pour avoir un pourboire. Donc je montre tout de suite que j'ai du pognon. Je crois que tu vas investir dans mon. Oui, non, mais des blagues au serveur, ça c'est terrible. Oh, c'est horrible, ça, j'arrive à être en mode genre l'addition ouais. Et puis tu vas faire genre ah bon, je pensais que c'était gratuit. Et c'est trop trop dur. Mais effectivement, les blagues de serveur aussi. Ouais, mais et les blagues de serveur aussi, c'est dans les deux sens. Ramène la Game Boy. Moi ça va. La Game Boy ça va. Moi ça me dérange pas quand c'est pas la brasserie en fait. Regarde quoi. Oui, du pain, vous voulez du pain, c'est payant. Ouais. Bah, c'est... Non, mais normal. Parce que j'ai 45 ans, non, pas du tout. Non. Mais si du coup, j'ai vu ta relation avec ChatGPT, du coup. Je me dis, quand une serveuse te drague ou un serveur mais te non, drague. Non, pas les blagues, je parle. Blagues, oui. Non, draguer, non. Mais non, mais c'est pas pareil. Justement, moi, je me chauffe, non, moi, je parle des blagues, justement, oui. La moi, j'aime Game bien Boy, un petit blague. Ou genre, ah, bah, c'est gratuit, machin. Ah, oh, bon, c'est le folklore, quoi. Mais moi, des fois, je suis un peu mal à l'aise que je suis avec des jeux. Pour ne pas la citer. En fait, j'aime pas les blagues quand c'est une prise d'otage, un peu. Oui, souvent une prise d'otage. Non mais comme c'est une blague, mais si quand c'est une convention genre ah oui ok c'est la blague que tout le monde a fait, je fais un petit rire, oui, d'accord, en d'accord, ça vois. Me va, tu vois. C'est un peu une transaction. Ouais, genre, ouais. C'est piégeux, tu ris à la première par politesse, du coup il croit que t'aimes bien. Et après, ça c'est bien, mais genre, après il y a la prise d'otage et là je suis pas d'accord. C'est ça. Là non, là je mets le poing sur la table. Mais moi, le coup de gueule d'Adri. Le coup de gueule d'Adri. En cette fin d'année scolaire, un nouveau record a été décroché par un élève à votre âge. Je sais. Alors, c'est quoi? C'est la gamine qui a passé le bac à 9 ans. Quoi? Alors, c'est toujours une gamine qui passe le bac à 9 ans. Alors, non, c'est 8 ans même. C'est 8 ans. Alors moi, j'ai oui, parce que l'ancien record c'était 9 ans. C'est d'ailleurs, ça. Il l'a pas eu. Voilà, non, mais faut aller alors autant le restaurateur non mais lui allez le harceler c'est pas temps, franchement. Attends 8 ans la gamine ouais. Là c'est un gamin de 8 ans ouais. Il oh, passe Dieu, le bac là 8 ans. Et moi je trouve que c'est horrible, c'est horrible. Et c'est de l'histoire du baccalauréat. C'est l'élève le plus jeune de l'histoire. L'édition 2025 du baccalauréat entre dans l'histoire. Il vient d'où? Je l'ai pas. Ah, si, Amboise. Ouais, Amboise, exactement. Un gamin âgé de seulement 8 ans, mais tu sais qu'ils essaient de le protéger aussi, justement. Parce qu'il n'y a pas son nom, il n'y a rien. Et c'est inscrit à l'examen, devenant le plus jeune jamais enregistré pour le bac général ou technologique. Ce jeune prodige qui devrait normalement être en classe de CE1 ou CE2 passe le bac en candidat libre. Mais c'est... moi, il y a un truc. En vrai, non, moi je trouve ça low-key, Kent. Genre, c'est un peu stylé, je trouve. Moi, c'est un peu stylé, mais est-ce que c'est pas un truc des parents? Parce qu'en fait, imaginons. Candidat libre. Bah non, il s'ennuyait, le pauvre. Je imaginons, j'ai un enfant de 6 ans. Juste j'imagine. Pour avoir le record, je l'inscris au bac et j'ai le record, quoi. Enfin, il a le mais record. Mais aucun enfant de 6 que... ans. Ah, tu penses que. Bah, parce que le record précédent, c'était la gamine qui avait 9 ans. Elle n'a pas eu le bac, mais ouais. Juste elle avait le record de la plus mais elle jeune. Elle l'a pas eu de peu, attention. Hein. Non, mais d'accord, mais ouais. Je veux dire, elle avait quand même le record du. Oui. Mais elle était quand même compétente. Je pense que tu peux pas juste pointer comme ça et t'inscrire, non? Si, candidat libre. Oh. Tu peux, n'importe qui peut. Il y a un truc, on te répond. McFly et Carlito, ils l'ont fait. Ouais, genre, ils avaient genre 1000 ans, mais c'était genre différent. Ils sont plus cons que la de 8 ans. De quoi ça? Mais c'était genre après. Oui, c'était après, mais je pense qu'avant, est-ce qu'il précise s'il a fait tout. Genre. Faut être un peu surdoué et tout, genre. Je sais pas, j'espère que peut-être pas. On a même pas le temps. 10 sur 20. Bon, allez, passe le bac, écoute. Allez. C'est le ministère de l'Éducation qui a révélé cette information lors d'une conférence de presse, donc il y a quand même un truc un peu officiel. Je comprends pas. Ce record bat celui de l'année précédente où la plus jeune candidate était une élève de Strasbourg de 9 ans. La directrice générale de Strasbourg mentionne. Tu viens pas du tout de Strasbourg? Non, pas du tout, mais je donne de la force à nos régions. Car nos régions ont du talent. C'est vrai qu'elles ont du talent. Clairement, à cette gamine qui n'a pas eu le bac. Qui est nulle. C'est quand même exceptionnel la situation, ce qui concerne qu'un élève sur des centaines de milliers et ne reflète pas le fonctionnement habituel du système scolaire. Sans blague. Ok. Donc voilà, donc peut-être qu'il y a quand même un truc que tu peux pas le faire comme ça. Faut être exceptionnel. Peut-être qu'il y a un truc de quand même, t'as fait un. Voilà, t'as un parcours scolaire assez dingue, etc. Mais quel est le projet? Après, il va. Imagine, il a le bac à 8 ans, il fait quoi? Il vient bosser. DJ. Non, mais il va quoi? Il va bosser. Il va faire des études, je présume. Une dépression à 22 ans. Ouais. Voilà, des choses comme ça. Je lui souhaite pas. J'espère qu'il va se trouver une petite. Parce que là, du coup, t'as 8 ans. Ouais. Ouais, à 9 ans, tu te rends compte qu'en fait, t'as toujours voulu être chanteur. Ouais, peut-être. Et puis après, il brille dans ça, quoi. Ou un truc genre random. Ouais, ouais, mais astronaute, j'espère, je sais pas. Mais... J'ai du mal à y croire, moi, Bilal. J'ai du mal à m'imaginer un gosse heureux, quoi. Déjà, en général. De manière un humain heureux, déjà. Peut-être qu'on sait pas, mais on est en train de parler du prochain président du monde. Genre, ce mec va take over la planète. Elon Musk. Ouais, la vie a prouvé le contraire, hein, que c'était pas forcément les plus doués qui se retrouvaient au pouvoir. Je dénonce. Hop là. Alice dénonce. Dans la phase de Musk. Cette année, il faut savoir qu'il y a 724 633 candidats qui se présentent au baccalauréat. Ça débute le 16 juin, donc ça débute aujourd'hui pour ceux qui ont le podcast. Oui, donc c'est lundi. Avec l'épreuve de philosophie, elle est à l'opposé du jeune candidat de 8 ans. La personne la plus âgée cette année a 78 ans. Diva ! Ça, c'est un gros slay. Ouais. Et ces deux extrêmes témoignent de la grande diversité des profils que peut accueillir cet examen national. Eh ben, voilà. Mais ça fait quand même 8 ans. ça me paraît tellement bébé, moi. Je veux dire, enfin, c'est vraiment, c'est très, c'est très bébé. Comment ça s'est passé, vous avez passé le bac? Oui. Ouais. Ouais. Gros stress à l'époque ou non tranquillou? Non, je commençais à faire des vidéos sur YouTube. C'est à ce moment-là. Toi, tu faisais un peu les deux en même temps. Je faisais les deux en même temps et j'étais aussi en CHAM, en classe horaire aménagée. Donc okay. Je faisais de la comédie musicale à côté. Wow. Donc j'allais en cours le matin et j'étais à l'école, à l'académie l'après-midi. Et honnêtement, c'était ma vie à l'académie de comédie musicale. Pas l'ombre d'un choc à l'horizon pour moi. Ah ouais. C'est ce que j'allais te demander parce que du coup, c'est la question que j'ai parfois avec des invités qui ont commencé leur carrière jeune. Ouais. Est-ce que t'avais quand même ce truc de non mais il faut le parcours scolaire typique, juste comme une espèce de sécurité, ou est-ce que c'était un deal que j'avais eu avec ma mère. À 9 ans, j'avais dit à maman, je quitte l'école et comme la Motown, genre je vais être les Jackson 5, genre je veux faire ça. Elle avait dit non, tu passes le bac. Donc on avait ce deal du bac, donc il fallait que j'aille au bout au moins de ça. Génial. Ce qui je trouve qui est quand même bare minimum. Et j'étais très très bon élève pendant toute ma scolarité. Donc j'étais genre chiant, 18 et demi, délégué de classe tous les ans. Très bon élève, ok. Très bon élève. Et en terminale, j'ai eu genre mon premier chèque AdSense. Okay. Wow. Et je dis genre, peace out. J'ai arrêté de faire genre, quoi que ce soit. J'étais en mode, l'école, je l'achète et tout. Et j'ai juste arrêté de me concentrer. Je me suis retrouvé avec mon dernier trimestre avec un dramatique 8 sur 20. Ah ouais. Et j'ai eu mon bac de justesse à 11. Je me suis pointé en gueule de bois à chaque épreuve et j'étais en mode genre, je faisais tout genre très très mal. L'oral d'espagnol, j'ai eu 7. Je suis arrivé, j'ai fait lo siento pero espagnol es un idioma muy difícil para mí. Et je me suis levé, je me suis cassé. Genre, je lui ai dit, c'est une langue difficile pour moi. T'as ciao. Filmé, l'audace, c'est ça. Excusez-moi, je trouve que la note est énorme par rapport à ça. Combien 7. Ah oui, sur c'est 20, énorme. C'est énorme. Elle m'a trouvé parce sympa. Parce que moi, je pense que j'ai eu 8 et vraiment, j'ai bossé. C'est de c'était une non, abonnée, j'ai vu le sujet, je suis en mode pas du tout. Et en fait, c'était vraiment une abonnée, je crois. Non. Mais voilà, j'ai adoré cette semaine. J'avais l'impression d'être vraiment genre un grand bandit. Magnifique. Alors que toute ma vie, j'avais été très genre cadré. Je devais rendre ma mère fière, c'était excellent, excellent, excellent à chaque fois, genre sur tout. Et là, je revenais en mode ouais, je sais pas, gang et tout. Ouais, j'ai pris un chic, Uber berline pour aller à la dernière épreuve. Ouais, j'arrivais les 8 heures, j'étais en mode genre, j'enlève les lunettes de soleil et tout. C'est génial. Ouais, incroyable. Voilà. Ah ouais. Oh, mais moins tu l'as vécu à fond. C'est ça, et 11-11 au final. Magnifique. Voilà, merci le 20 en anglais, COEF 12, parce que tout le reste, j'étais genre en dessous de la moyenne. Incroyable. Et donc tu faisais une école de comédie musicale? Exactement, j'étais à l'AID, big up à Nicole Chirpaz. Big up Nicole. Voilà. C'était une école où j'apprenais, je faisais de la danse classique, toute forme de danse, du théâtre et du chant. Génial. Voilà. Mais oui, on passait devant, c'était pas loin de Golden où il y avait une école de comédie musicale, peut-être la même, je ne sais pas s'il y en a plusieurs. Je sais pas, peut-être c'était dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà. C'est pas celle-là. J'étais dans celle-là. Magnifique. Voilà. Parce que je trouve qu'on manque de comédie musicale en France. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus et en réalité, on a un patrimoine qui est assez frais. On a quand même Notre-Dame de Paris. En fait, j'ai l'impression qu'on a perdu Starmania. Oui, il y en a eu des énormes débuts. Mozart l'opéra début de bien sûr. Non, mais et fait, dernièrement Molière l'opéra urbain. Je non sais c'est pas, si... vrai. Ah, si, non, c'est pas vrai. Si, si. Non, comme non c'est mais pas mais que vrai. Et je leur fais un gros big up. Ce spectacle tourne depuis 3 ans et c'est sold out partout et il arrive en Chine cette année. C'est genre c'est un peu notre Hamilton en vrai. Genre il y a un truc. Non, ça fait des zéniths et tout. Ça fait des zéniths. Jamais entendu parler de ça. C'est le titre qui me fume. Hamilton, ça a quand même de la classe, mais je suis allé voir Molière urbain. C'est le mot urbain, c'est le mot urbain. Moi j'ai fait un gros big up. C'est super. Mais c'est très bien. Non, mais parce qu'il y a quand je dis qu'on a perdu le truc de comédical, tu vois, genre en Angleterre par exemple, après ils vont le West End, c'est ça, je sais que tu détestes Alice, mais ça dure vraiment des années, oui. Tu vois, genre Mathilda, qui est moi un des trucs qui m'a le ça plus bluffé de ma vie, ça n'a pas bougé, et je trouve qu'ils ont une culture où c'est tellement digéré, ouais. Maintenant ils font carrément la parodie du truc, enfin, j'avais vu Book of Mormon, oh, je m'étais génial. Dit, mais j'aurais adoré faire ça moi, avoir un vrai spectacle musical de danse avec des blagues partout, mais j'ai pas de talent en musique, enfin, j'ai ce projet là en tout cas, à savoir, mais c'est mon plus grand rêve, c'est mon goal final. Des auteurs à bosser sur des blagues, avec plaisir. Oui, parce que t'avais un frère qui était genre musicien, quoi. Mais c'est très dur à monter mais et pas tout. Du il faut tout. Quelque chose, il faut la bonne idée. Écoutez, faut venez à la salle Playel. Ah, vous allez prendre une claque à ce oh c'est my clair. God. mais moi j'avais adoré ce truc là et là je vois que tu vois ils refont le Roi Lion, genre c'est bon, on a compris le Roi Lion, le Roi Lion ne bouge pas, il faut des nouveaux trucs, il y a Chicago qui revient en français encore, là j'ai vu qu'ils faisaient les Demoiselles de Rochefort, les Demoiselles aussi, de Rochefort au Lido, et au Châtelet il y a toujours quand même les troupes américaines qui viennent quand même pour jouer. Mais je pense que ça va se démocratiser. Là, c'est la haine qui a genre surcartonné. Surcartonné. Starmania, le retour Starmania plus la haine. Bravo. Best RP. Ouais. Voilà. Il faut que ça revienne. Il faut qu'il y en ait plus. Plus là, d'idées originales. C'est peut-être ça que je pourrais. Mais alors voilà, quand tu dis idées originales, peut-être c'est ça où moi je suis nul. Adapter un film culte en comédie musicale. Les visiteurs. Ça dépend. Oh, les cuisines. Voilà. Et là, c'est une comédie musicale. Oh là, attention. Ah, ok, j'appelle Clavier. On appelle Clavier. J'espère qu'il sera OK. Excellent. Allez, les visiteurs, la comédie musicale. Oh là là. Moi, je suis super chaud de ça. Ah ouais. Wow. Parce que là, je trouve les effets spéciaux. On va donner l'idée, on va comme mon resto. T'as la musique. Ouais. Et en plus, je peux être partenaire avec mon resto. Il y a tout. Oh là là. Mon resto, le médiéval fantastique là. Je peux pleurer. Je peux commencer à bosser dessus à la fin de l'enregistrement. La soupe au chou. Ah non. Aussi, en vrai. Non, parce que déjà, le film, il fait bien. Bien quoi, théâtre. Quoi. Justement, on modernise. La denrée rap. Non, alors attention, si c'est la soupe au chou, l'opéra urbain, oui. Là, bien d'accord. Sûr, bien sûr. Alice, le bac, tu l'as passé ou pas? Ah, oui, je l'ai passé. Non, je tout sais tout que c'est pas ton de famille, Alice le bac. Alice le bac, le juge est une femme. Oui, je l'ai passé, mais j'ai eu beaucoup d'avertissements, donc j'avais dû faire ses preuves. Donc j'ai eu à 11,89, ils m'ont pas mis la mention assez bien. Oh, c'est salaud parce que c'est à 12 ans. Bah rigolo, oui, là. Normalement, mais oui, mais mon dossier scolaire, il était misérable. Ah, t'as été un peu bad girl? Oula, non, pas, j'étais pas celle qui allait insulter les profs ou que sais-je. Moi, non. J'étais la reine des blagues. Et alors, elles étaient, waouh, cocasses. Il y en avait certaines, franchement. Aussi bien que ChatGPT ou. Oula. Je peux le redemander. Hein. Non, mais c'était. Non, j'ai pas arrêté parce qu'évidemment, j'aimais bien faire rire. Bien sûr. Moi, en fait, pas mes petits camarades. Je me disais, mais ce serait pas si drôle si on prenait. La honte. Un téléphone portable qu'on cachait quelque part dans la classe et après on l'appelle. C'est super drôle. Ça, c'est un truc. Un peu un prank. Ah, j'avais pas vu encore. Non, mais prank, je sais, c'est pour dire. Oui, c'est... j'en ai fait pas mal. J'ai beaucoup pranké. Ah, pranky, oui, d'accord. Pranky. Ouais. Je me suis. Alice mais prankeuse, dis donc. Il y en avait certains qui m'aimaient bien, d'autres non, des profs. Mais ils m'ont tous dit qu'il fallait, à mon avis, que je choisisse une. Voilà, un truc un peu arty, quoi. Ah, c'est marrant. Mais ça, ils le. Moi, ils m'ont dit ça aussi. Alors que je pense qu'ils avaient aucune vision sur moi. Et mais c'est le fait de faire des blagues. Non, mais peut-être qu'ils avaient une vision. C'est des adultes, hein, tu sais, Florent. Oui. Ils ont une mais vision. Après, est-ce que c'est pas un peu le truc dès qu'il y a quelqu'un qui, est, qui marche pas trop dans le parcours du non, non, non, non. N'oublie pas qu'il y a aussi les artisans. Ouais. Et moi, ils m'ont pas dit va faire des choses d'artisanat, etc. Évidemment. Ouais. Bah non, ils pourraient. Bah, il y a plein de métiers, c'est marrant. Les décalés, les élèves un peu décalés, on leur proposait, on leur pitchait des trucs un peu. Oui, mais t'es loufoque. Oui, c'est ça. Donc les loufoques, c'était les artisans. Non, mais ils m'ont dit un peu va faire du cirque. Oui, bah voilà. Et j'ai fait du cirque d'ailleurs. Ah bon? Ah non, ouais. J'adorais les échasses. Et la boule aussi, ça c'est sympa. La boule de Fort Boyard? Non, non, c'est mon ex. Non, la boule, tu marches dessus, il faut tenir l'équilibre. Ouais, ok, d'accord. Magnifique. C'est-à-dire que j'ai sorti avec beaucoup de mecs, bien sûr. Ok, on ramène une boule. La prod. Mais donc voilà, le bac, j'ai fait tout pour passer. J'ai eu 17 ans en littérature, ce qui m'a sauvée. Parce que. Et j'étais en L, évidemment, on se doute. Évidemment. Same, mais j'ai eu 4 en géo, et ça, c'est une prouesse. Je sais même pas comment j'ai fait. J'ai eu 4 en géo aussi. Ah deux, ouais. J'ai eu 2. Exactement, t'as eu 2. Histoire géo, j'ai eu 2. Bravo. Attends, mais pourquoi ils sont durs comme ça? Rattrapage, j'ai dit, je prends histoire géo. Bah j'ai oui. eu 3. Mais attends, mais, alors, incroyable. Non, mais il doit y avoir quelque chose, les profs. Bah écoutez, s'il y a des profs d'histoire géo, si vous voulez y envoyer à Floodcast l'explication de pourquoi c'est des notes si basses. Parce que, ah bah, c'est parce pas que j'étais à chier. Et ouais, parce que, attends. Ah ouais. Non, mais l'humiliation, je l'ai déjà raconté, mais je l'ai redit. J'ai 2 sur 20 en bac. Donc, Non, pas avant tout. En histoire géo. Ma mère c'est voit fou, ça. Ça elle a dit... failli te faire sauter le cœur. Non, quand le pauvre. Dans le rattrapage avec 2, je pense que j'aurais laissé tomber. Non, en vrai, j'avais pas beaucoup de points à rattraper. Mais j'avais 2 sur 20 en histoire géo, qui était quand même coef 5, parce que moi j'étais en ES. Orc. Et. Pardon. Moi, je comprends un petit peu la société dans laquelle je vis. Ça me permet d'avoir. Bon, bref. Et ma mère se dit, non, mais 2 sur 20, c'est pas possible, c'est une erreur. Donc elle fait réclamation pour voir la copie. Elle voit la copie et fait ouais non c'est 2 sur 20. Par contre c'est adorable. Non mais c'était vraiment la matière nulle. Histoire géo au bac c'est même pas factuel. Normalement t'as aussi des trucs un peu de expliquer le pays. Non mais il y a des trucs factuels de cartes et de dates. Peut-être pour vous en L1. Ah peut-être. Ah oui peut-être. Non mais il y a des explications de cartes mais ou des trucs. J'avais l'explication de cartes que j'ai. Moi j'avais. Moi j'avais oublié mes crayons couleur. Ouais. Donc j'avais écrit les couleurs sur le truc donc je pense que j'ai eu 0 à cette truc. J'avais oublié qu'il fallait les crayons de couleur à la géo. J'ai oublié mes crayons de couleur. J'ai mis le nom des couleurs dessus. Vous rameniez, vous, à bouffer ou à attends, boire ou pas? Attends, on se fout de ta gueule encore. Ça m'énerve. Oh, non, mais parce que justement, on fait la voix un peu énervante. Au bac? Au bac, ceux qui ramenaient, genre, ouais, j'ai ramené un petit sandwich, une petite bouteille d'eau, ça m'énervait un peu, moi. Ah ouais? Ouais, bah, non, ramené... t'as fait? Ouais, mais c'était pas, non, un petit pas sandwich, une bouteille d'eau, je ramenais genre des trucs. T'as le droit, t'avais le droit. Oui, non, mais toi, vu ce que tu nous as raconté de ton bac, ouais, t'amenais pas un sandwich. J'avais du Sky. Et allez, un, quoi. Un flasque. Écoutez, on va bientôt arriver à la fin de l'émission. Alors, j'ai encore deux petites questions et puis après. Ouais. Mais oui, quand même. Quelle boisson est en train de devenir virale sur Internet? Chao et kombucha. La Voidi. De quoi? C'est la Voidi. C'est quoi ça? Non, c'est, ah non, comment, okay, c'est pas Chao kombucha, c'est l'autre. C'est ça. Alors, c'est pas une marque, hein. C'est une boisson qui un s'impose. Un type de boisson, comme, le matcha. Non, comme la boisson tendance de cet été. La vodka. Pas la vodka. Le houbé. Pas le houbé. C'est pas, c'est pas, c'est pas le maté, le maté, un truc comme ça. Mais alors c'est quoi cette boisson? Tu connais pas la Voidi? Non. Mais non. Ah si, ah ouais, si, si. C'est quoi la Voidi? Oula. Voidi. Ah non, mais Voidi, c'est interdit en France Voidi maintenant. Alors, c'est pas encore interdit en France. Mais ça va l'être. Ça va l'être bientôt. C'est le El Morjem, c'est ça? Voilà, exactement. Je suis en train de stocker, à savoir, je suis près des ventes privées chez moi. C'est genre le Al Capone, ça y est, une milliard chez lui. Exactement, exactement. La Voidi, c'est un vodka mix allemand. Ok. À 18 ou 22%. C'est okay, dégueulasse. Et c'est trop bon. Et c'est genre ma passion. Il y a goût tropical, goût lemon, goût l'alcool est pirate pour la santé, par avec modération. Voilà. Bien sûr. Pour okay, pas que là on vienne m'attraper. Pour toi, hein, c'est pas pour faute. Toujours parler, toujours que pour moi qui sache que. Voilà. Et en tout cas, c'est trop fun. Mais faut faire hyper attention. Faut pas vraiment en boire. C'est pas bien. Mais voilà, okay, ouais, j'adore. Toi, t'aimes bien. Alors c'est pas ça. Là, si on est attends, vraiment. Pourquoi ça va être interdit? Parce que ça tue les gens, en fait. Oui, bah l'alcool tue les gens. Oui, non, mais là c'est un peu intense. L'alcool, c'est de l'eau. Je te rappelle quand même. Voilà. Et l'alcool, c'est de l'eau. Mais les gens en boivent un petit peu à outrance. Là, c'est, tu fais même plus ton mélange dégueulasse, quoi, que le propose. Il y a beaucoup de taurine, c'est genre oui, 4 Red Bull plus voilà, genre triple shot de vodka. Et beaucoup de vodka. Oui, c'est un peu hypocrite. Oh là si là. Non, mais en vrai, l'alcool, ça tue des gens. Oui, quoi, bah tu quoi, t'es membre de trio apparemment. On fait l'apologie. Voilà, ouais, c'est ça. Allez. Non, mais ah, en tout cas, voilà, c'est pas la Voidi et c'est pas le matcha. Et c'est alors, c'est pas du kombucha. Il y a pas d'alcool, non, c'est pas du kombucha. C'est pas du maté, du coup. Repose la question, s'il te plaît. C'est une boisson qui est en train de devenir virale sur Internet et qui s'impose déjà comme la boisson tendance de cet été. Ce n'est pas le lait. Got milk. Elle existait avant ou pas? Ah oui, elle a toujours existé. C'est un truc assez basique, hein. Est-ce c'est juste que là, c'est en train de prendre. Citronnade à la fleur d'oranger. Alors, c'est une limonade, mais qui a un goût. Pink. Ah non. Non. Ah. Strawberry lemonade. Pas strawberry, mais avec effectivement un additif. Voilà, exactement. Fruité. Un type de limonade. L'hibiscus. Pas l'hibiscus. Ah si, je sais. Elle sait. Ah si, je l'ai vu passer, c'est quoi, là, ça m'a gavé. C'est du fruit? Je sais pas. Mais je l'ai. Oh, allez, Alice. Grenade. Non, pas grenade. C'est un fruit? C'est un fruit rouge? C'est pas un fruit. C'est pas un fruit, ok. C'est ni un fruit ni un légume. Un ah, c'est pas un c'est un végétal? Ah, c'est végétal. C'est pas une fleur. Ouais, ouais. C'est pas de la menthe. C'est pas une fleur. Ouais, parce que si non, c'est pas un fruit, un légume et que c'est végétal. Alors, c'est peut-être qu'on dit que c'est un légume, mais pour moi, c'est un condiment plutôt. Aïe, oignon, aïe. Non. Gingembre. Pas gingembre. Mon rêve. Je sais pas. Parmesan. Adrien, t'adores ça? J'adore ça. Oh. Le mon chien. Non. Une limonade au clébard. Attends, j'adore ça. Piment. Vinaigre. En, fait, en tout cas, pas piment, pas vinaigre. Ah, pickles. Ah. Cornichon. Une limonade au cornichon. Ah, genre les jus de cornichon. Sort à kinder. Sort de. Oui, oui, un oui, mélange oui, étonnant ouais, de sympa, citron, de jus de cornichon, de sucre d'eau et de glaçons, devenu la boisson de l'été pour de nombreux Américains. Ne t'énerve pas, Alice. Je oui, sais. C'est non, du vinaigre. Hein, juste pour info. Une recette virale sur TikTok ou certains. Une recette virale sur TikTok où certains y ajoutent même du piment ou des morceaux de cornichons directement pour oui, pimenter oui, l'expérience. Cette mode s'inscrit dans une vraie obsession des réseaux pour les cornichons. Ah, je me chauffe, c'est horrible. Attends. Je les déteste, ces Américains. J'étais en train de genre haïr le truc et plus il ajoutait, j'étais en mode. Oh attends, les non, moi j'aime non, bien. Les moi, cornichons, j'aime, ça traîne. Ça traîne, les cornichons. Donc je suis influenceur en fait. Mais t'es vachement. Non, les cornichons, quand même, c'est trop bon. Celui qui a inventé ça, quel génie. On le retrouve désormais partout. Free, en pickles ou même en glaçage sur des burgers. Même le New York Times a validé cette tendance en publiant sa propre recette sur comment faire sa limonade de cornichon. D'accord. Donc, mettre voilà, du vinaigre ah, oui, dedans. Oui. Mettre du vinaigre. Donc voilà, le pickle devient tendance, Adrien. Okay. C'est pour ça que je voulais faire cette question parce que. Ok, j'adore. T'es un inventeur de tendance, mon pauvre. Je suis fou de pickle, j'en fais. J'adore ça. Les grosses aussi comme ça là ou pas trop. Je tente tous les trucs. J'ai fait des. tu vois ce que c'est, les cornichons mal au sol? Ouais. Et bah, j'en fais aussi ça. Sérieux? Ouais. Tu en fais? Ouais, c'est très très simple à faire. Ah ouais? C'est vraiment. Tu prends des concombres. Quoi, des mini concombres, tu coupes juste un petit peu le haut, c'est un petit peu le bas. Non, je me cherche. Et vraiment, tu mets dans de l'eau salée. Alors, ouais, il faut 3% de sel par rapport à la masse d'eau. et tu les laisses dans un pot et genre au bout de je sais pas une semaine ça t'as des c'est fait en fait c'est de la c'est la lactofermentation et du coup ça c'est fait ça des... c'est génial. Écoute, j'ai l'occasion d'en parler, t'es cultivé, ce que je te dis, je bois des paroles, j'en ai fait, c'est trop facile et tout, j'ai l'ultra chauffe, bah écoute c'est parti, très facile à faire, c'est ça qui est bien avec les pickles et tout, c'est que c'est très facile et délicieux. C'est vrai que c'est délicieux. T'es trop content à chaque fois. Regardez la banane que ça lui a. Non, mais c'est vrai que c'est mignon. Mais oui, pickles, c'est yeux pitié. Quand tu mets tes propres pickles dans ton sandwich. Parce que t'as l'impression qu'il y a un peu de vie dedans. Tu le sens, c'est les tiens. Ouais, il y a un truc du genre, ça c'est mes pickles là. Le petit goût de rôle là, c'est moi ça. C'est toi qui l'a fait. C'est cute. C'est fou d'être aussi proche de la terre et en même temps dans la technologie. T'es vraiment, t'es un homme entier. J'avais un ex qui faisait ça aussi, mais c'était du rhum arrangé lui, c'était sa passion. Ah. Et alors c'était toujours dégueulasse, toujours. Ah, d'accord. Moi, ça, il tentait les trucs. Il y avait des bananes qui flottaient dans le rhum pendant deux ans. Je peux te dire que waouh. Immonde. Mais moi j'ai pour Noël j'ai pas offert que ça, mais j'avais fait des pickles au rhum pour mon frère. Ah. Oh. Stylé. Des oignons pickles au rhum. Oh, c'est sympa. Il s'est régalé. Incroyable. Voilà. Hop là, Alice vient de goûter la nourriture d'Adrien. J'aimerais un petit temps. Enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais. Voilà. Je vais garder le micro. Non, mais t'inquiète pas. Alors qu'est-ce que tu en penses? Non, mais je savais que ce serait un banger. Hein. Allez. C'est juste qu'il fait chaud, donc. Le sucre me fait transpirer. Je comprends. Après, oui. La chaleur me fait transpirer. Non, mais il est intransigeant. En premier lieu. Ça, non, mais ce que je veux dire, c'est quitte à transpirer autant, tu vois. Quand tu fais 32 degrés, bon, autant se gaver de sucre. c'est quoi? J'ai lancé Merlin, là. Et toi, tu t'appelles comment ton romancepateur? Félix. Oh là là, Félix et Merlin. C'est un pote à moi qui est vraiment maniaque. Mais qui s'appelle Félix. Voilà. Oui, parce que c'est la marque qui s'appelle Merlin, c'est ça? Non, ah non, non, ah, tu l'as nommé. Non, non, c'est bien sûr qu'on le nomme. Pardon. Mais on disait. Ah, je nomme tous mes objets, moi. Et ChatGPT, elle s'appelle comment la petite mignonne? Non, non. Tu nous la présentes quand? La petite pépé. Je l'appelle chérie. Non, mais avec Bilal, on est d'accord, c'est que moi, quand Félix passe. Bilal a peur, là, actuellement. Non. Quand Bilal est d'accord avec moi. Quand Félix fait le ménage, je quitte l'appartement parce que ça me fait trop de peine. Ah, ça me fait trop de peine. J'ai eu un robot. Il se bute sur mes pieds, j'ai honte. Oui, voilà. J'ai envie qu'il arrête, qu'il se repose. Une heure et je l'ai donné. Juste précise, c'est il a une petite serpillière quand même. Il fait il nettoie les deux. Lui. Eh ben moi aussi. Grrr. Tu rentres chez toi, aussi, ça sent le propre. Ah mais moi. Tu mets que de l'eau, toi, c'est ça? Non, t'inquiète. Non, okay. J'ai pas envie de te donner mes astuces. Bah si. Tu me files une de tes conserves de pickles et on discute. On se les présente, on se marie. Oh, il s'appelle comment, de la Merlin? Merlin. Oh, le premier couple gay aspirateur robot. Allez. Et on pourrait être enfin dans une émission, un autre floodcast. Ah merde, faut qu'on se dépêche. Ouais. Ouais, c'est foutu. Le premier mariage de deux personnes. De deux personnes. Un peu atypique. Écoutez les amis, ça fait 1h40 qu'on parle, il va falloir bientôt. J'ai complètement oublié de dire qu'il y avait les recommandations. Ah oui, à la fin du podcast, on recommande un truc culturel qu'on a aimé récemment. Trop bien. Ça peut être tout n'importe quoi, c'est pas forcément un truc récent, c'est un truc que t'as aimé récemment. Okay. Alice, est-ce que tu as une idée en tête de quelque chose? Ça peut être un film, un livre, non, une pièce de théâtre. Non, j'écoute un podcast, alors c'est très drôle, je dirais que c'est la relève du floodcast. Aïe. Non, pas du tout. Vas-y plutôt Bilal, le temps que je réfléchisse. Okay. On peut le faire nous, si jamais. Moi je vais vous conseiller un album musical, comme ça on reste dans le thème. Magnifique. Je vais vous conseiller l'album Addison de Addison Rae. Ouais. Voilà, okay. Addison Rae, ex-tiktokeuse de la grande époque TikTok d'il y a 5 ans, okay. qui est devenue une chanteuse hyper cool, qui vit à New York. Et en fait, l'album est génial. C'est trois meufs qui l'ont produit entièrement à trois. Elles ont genre la vingtaine, et ça s'entend, c'est frais, c'est trop bien. Pitchfork a donné 8 pour les plus snobs. Vous pouvez vous dire que c'est quand même pas mal. Et c'est de la trop bonne musique. C'est de la bonne musique de fille. Et si vous n'êtes pas une fille, mais que vous avez l'essence d'une fille, ça va vous faire kiffer. Si vous n'êtes pas du tout une fille, que vous n'avez pas l'essence d'une fille, vous allez comprendre un petit peu le mood des filles autour de vous, des filles, des femmes, des divas. Voilà, j'adore cet album, il est génial. Okay. Chant, bon, bah, okay. Tu peux dire le nom? Addison. Okay. Et la meilleure chanson, c'est Times Like These. Comme ça, voilà, je vous recommande une seule chanson pour ne pas faire perdre du temps à ceux qui ont la flemme d'écouter tout en entier. Incroyable. Mais maintenant que tu as donné la force à une millionnaire, moi je vais donner la force à Flavien Berger qui vient de sortir Plouf. Ouais, il vient de sortir Plouf 10 ans après Léviathan. Et okay. Plouf, c'est la version un peu déjà avec des instruments, enfin des musiciens et tout ça. Mm-hmm. Je l'ai écouté en avant-première avec mes privilèges. Allez. Et il est vraiment très bien. Il est un peu plus jazzy. Et c'est vraiment tous ces morceaux de Léviathan qu'il a refait avec des musiciens et d'une autre vibe, ça n'a rien à voir. Moi je mettais parfois 2 minutes à reconnaître le morceau de base. Et il est sorti le 13 juin, donc quand ce podcast sortira, il sera en ligne. Plouf, de Flavien Berger. Génial, trop bien. Bien. J'aime beaucoup Flavien Berger. Berger. J'ai hâte d'écouter. Mais pour le coup, je savais pas qu'il faisait ça. C'est génial, ouais, de refaire ses propres trucs. Et c'est... Non, mais en plus, tu peux. De réinventer, je veux dire. Complètement. Ouais, c'est ça. Et oui, c'est vachement bien. Très fun. Et ça s'écoute à n'importe quelle heure. Ce okay. qui est rare, il y a certains albums, c'est dur. Voilà. Bref, voilà. Bah, tu soulignes une tendance que moi je me rends compte, j'ai ce truc maintenant où quand il y a des artistes que j'aime, j'écoute dès minuit et je pense que je suis un débile. Enfin, je sais pas si c'est le meilleur moment de la soirée. Mais j'aime bien le faire, mais je sais pas si je suis dans le meilleur mood pour découvrir un album de musique. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, ça dépend. Le mieux, c'est à fond pendant que tu fais le ménage. Le lendemain matin. Bah, le lendemain matin, je suis d'accord. Ouais, en fait, je pense que c'est le lendemain matin. Mais je sais qu'à minuit, des fois, là j'ai eu ça récemment et bon, bref. Ouais, tu sais quoi, je vais même dire ma recommandation parce que c'est totalement lié. C'est le nouvel album du groupe Pulp, qui est un groupe. J'adore Pulp. Je suis un grand fan de Pulp. J'adore Pulp. Bah voilà, ils ont sorti un nouvel album encore la semaine dernière. Encore un point commun. Et on n'arrête pas. Et elle croit que les vitesses. Et on a payé les vitesses. Les cornichons. Et tu sais, il faut que tu regardes la vidéo de comment il a fait ce morceau qui s'appelle mince. L'un des Common People. Common People. Tu as vu la vidéo de lui comment il l'a fait? Non, mais c'est hilarant. Ah ouais. C'était un pré-enregistré. Ah, ok. Le Ah, comme Gorillaz. Il faut que tu regardes la vidéo. Non, mais tu vois un type un peu marrant qui dit bah, l'album, machin. Et je te jure, Florian, c'est hilarant. Ah, bah écoute, alors non, que c'est iconique le morceau, et tu vois vraiment un type qui dit bah, bah en fait, il y avait ça. Et on s'est dit ah, bah. Eh bah, pourquoi pas. C'est génie. Tu l'as vu, la même chose pour Gorillaz. Bien pour, sûr, évidemment. Ouais. Ouais. C'est vraiment un truc. On choupanait la dernière pluie. Bon, je me doute. Et puis tu vas sur les réseaux, tu traînes des aussi. Alors, si tu veux écouter, découvrir Pulp. Bilal, je te conseille plutôt Different Class, qui était leur album culte où justement il y a Common People. Dernier, et moi j'ai adoré le dernier qui s'appelle Mort, et qui est un peu plus cool. J'aime bien cette pochette, mais alors la This Is Hardcore, c'est la meilleure pochette de tous les temps. Allez, This Is Hardcore, c'est un super album. Aussi. Moi j'adore cet album. Après, moi je suis vraiment fan d'eux, tu vois, mais. Mais ouais, tu peux enchaîner Hit and Earth, Different Class, This Is Hardcore. Wheel of Life est un peu plus chelou, mais Mort, c'est leur dernier album, c'est un peu plus peace, un peu plus calme. Non, mais moi j'ai adoré. Groupe voilà, avec entre autres Jarvis Cocker, qui est voilà, qui est un artiste que j'adore. Et voilà, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est vraiment de la pop indé anglaise. Voilà, ça réinvente pas non plus. Les Anglais encore. Voilà, si vous aimez bien Gorillaz, des choses comme ça, c'est voilà, c'est un peu dans ce mood là. Mais il y a toujours ce truc un peu. Moi j'adore la voix de ce chanteur. Et puis des fois il s'excite un peu, et puis il y a quand même des violons, enfin je sais pas, j'aime bien ça. Ah ça, ouais, met, ça prend un peu tous les instruments pour la mettre dans la pop anglaise, et enfin le pop rock anglais plutôt. Il a pop. Ça va, il se on a fait qu'une bouchée. Et voilà, donc Mort de Pulp, et tout Pulp, écoutez tout Pulp, c'est vachement bien Pulp. Et, trop bien. Et je vous le conseille. Voilà, Adri, miel, alors, le bon petit miel que je me bouffe comme Winnie l'ourson là. Bon là moi je vais perdre tout le monde parce que c'est vraiment un gros truc de nerd. Trop bizarre. Ouais. Non, c'est une vidéo YouTube que j'ai vue récemment, je suis tombé dessus complètement par hasard. Le titre c'est The Surprising Genius of Game Theory. J'aime trop les vidéos essai sur YouTube, c'est ma passion. Ah oui, c'est quoi, moi là je repars avec je refais. Je suis tombé dessus par hasard et j'ai trouvé ça génial. Alors je vais essayer d'expliquer de façon concise, je vais essayer. En gros, c'est un professeur qui a fait un jeu en gros basé sur un truc qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Ah et, ouais, je pense que c'est ça. C'est Veritasium. Ouais. Ouais, c'est ça. Regardez plus tard. Et en gros, le principe du jeu, c'est deux personnes qui jouent l'une contre l'autre. Et il y a, alors bon, il y a autant de manches qu'on veut. Là, il se trouve qu'il y a 200 manches. Et en fait, juste à chaque manche, tu peux voter soit, en gros, tu votes rouge ou tu votes vert. Sachant que le vert, c'est être gentil, et le rouge, c'est être méchant, en gros. Et le principe, c'est que si les deux personnes votent rouge, si les deux personnes attaquent, personne ne marque de points. Si les deux personnes votent vert, elles marquent 3 points chacun. Et s'il y a une personne qui vote rouge et l'autre qui vote vert, la personne qui a voté rouge, elle se prend 5 points. Donc il y a un peu un truc, c'est un peu un jeu qui est basé sur est-ce que tu as envie de collaborer ou est-ce que tu préfères être offensif et garder, être individualiste et tout. Et en fait, le petit twist, donc ça c'est le dilemme du prisonnier, c'est un truc qui est très connu, mais là en gros, le principe c'est que le mec a dit. Vous programmez, il a fait un appel à plein de programmeurs en disant programmez des algorithmes qui vont jouer tout seuls au jeu et on va les faire s'affronter les uns les autres. Donc des algorithmes juste pour dire de quelle manière, enfin juste des trucs pour dire de quelle manière ils vont jouer. Est-ce que c'est, par exemple, il y a des algorithmes où c'est on joue rouge à toutes les manches. Mmh. Il y en a qui jouent vert, il y en a qui disent bon, etc. etc. Et en gros, je veux pas spoiler parce que ça ne spoil pas. Ne fais pas, ouais. Non, non, je veux pas spoiler, mais en gros, c'est hyper intéressant sur ce que ça dit, même sur. En fait, ça devient un peu une réflexion sur les rapports humains et comment. quels sont, enfin tu peux un peu extrapoler sur quelle est la bonne façon d'interagir avec les gens et sur les bénéfices d'être plutôt gentil entre guillemets et ça démonte un peu le comment dire le cliché que c'est en étant méchant que tu vas tu spoil. Non, je spoil pas. Ouais, c'est bon, on reste là. Mais la vidéo, je la regarde juste genre dans une heure, c'est hyper c'est trop bien. Il en a acheté ses mouchoirs. Ah ouais. Il les a balancés par terre. Voilà. Bon bah écoutez les amis, on arrive à la fin de cette émission. Oh, trop bien. Voilà, je vous le dis, on va refaire un dernier petit tour de table. Bilal, ton dernier album live, L'Affreuse, que tu as enregistré en concert, qui est dispo absolument partout. Yes. Voilà. La Pride de Montréal, le 9 août. Incroyable. Ouais, voilà. Le 9 août. Et t'as un événement le 2 juillet à la Dynamo Boétie. C'est génial que ça soit genre dans mon actu, je trouve ça. J'aime trop mon équipe. je donne un cours de Dynamo. C'est pas du vrai. Cycling, bien sûr. J'allais te demander, tu travailles c'est les... pour un film. Waouh. Ouais, je dois prendre 2-3 tours de bras. Pour les auditeurs, vous avez même pas idée à quel point il est ripped, Bilal. Je suis en train d'être ripped. Je deviens ripped. Je peux sculpter. Il est arrivé, je me suis courbé. Arrête. Ah, c'est mais, voilà, je donne un cours de dynamo. Oui, je fais du vélo tous les mardis matins depuis genre 7 mois. Je suis obsédé. Au 23 rue Châteaudun. Comment ? Vélo d'appartement ou vélo ? Non, pas d'appartement. Je suis dans un club. Dynamo, c'est genre. Oui, non, mais d'accord, parce que t'as dit je fais du vélo, ça aurait pu être. D'appartement, ouais, c'est ça. Du vrai vélo, mais Adrien, non, jamais de la vie. Dans la rue. On m'a vendu une boîte de nuit le mardi à 7h du matin. Et juste, je dois faire ça avec pédaler. Il y a un écran géant et tout. Voilà. Il y a la totale. Tu vas avoir le petit micro. Je vais avoir le petit micro. Je vais chanter aussi un petit peu. En danseuse, allez. Et c'est un cours fond donation. Voilà, toutes les personnes qui vont prendre leur place, la totalité et reverser au site d'action. C'est pour ça, n'hésitez absolument pas. Trop bien. C'est extraordinaire. Entre autres aussi, pour résister à ce moment. Tu peux un niveau un peu abordable en termes de. De prix, tu veux non, dire non, non, de, d'effort physique, je veux dire. Oh non, non. Ça va être dur. Non, je rigole, bien sûr, regarde, bien sûr. Bien regarde sûr. Ces putains de bras. Non, ça va être très facile. Okay, okay. C'est très accessible et on va jouer de la très bonne musique, la musique que vous aimez tous, je suis sûr. Okay. Ça va de Pet Shop Boys à Charlie XCX. Trop bien. On va bien s'amuser. Bon bah génial. Parce que tu prépares un film, c'est ça? Je prépare. Il y a des génial. Films, mais il y a un film, le premier qui arrive où c'est très drôle. Le metteur en scène ne me l'a pas demandé, mais je lui ai demandé moi si je pouvais m'accorder une transformation physique parce que le personnage est trop éloigné. Ok. Je joue un hétéro. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, je lui ai dit, je peux pas le faire dans mon corps, j'ai besoin de le faire dans un autre. Bien, et il m'a dit, ok, bon, vas-y, chauffe-toi si t'as envie d'y aller. Genre, par contre, c'est à tes frais, hein, tu te démerdes. ok, je me chauffe. Et du coup, je vais à la salle tous les jours. T'as vraiment pris goût au jeu, à être acteur? C'est quelque chose j'aime trop envie, ouais. Ça. Bah, en fait, j'avais commencé au cons. En théâtre, quand j'avais 5-6 ans, c'était ça la voie de départ. Okay. Après, je me suis rendu compte que Popstar c'était beaucoup plus fun. Mais là, j'aime bien. Ouais. Faire des films, c'est super chouette. Bah, parce que t'étais vraiment génial, je le redis, dans les reines du drame, dans le rôle de Steve Eschedi. Moi, tu m'as fait rire fort. Il y a bien. Un truc comique. Alors, le personnage est super, mais. Ah, c'est un vrai clown, mais tu t'éclates avec. C'est et ça. Vraiment, moi, je me souviens de la séance parce que c'est un film pas que drôle, c'est un film dur. Enfin, il se passe plein de choses dans les reines du drame. Et du coup, en plus, t'es une vraie bouffée d'air frais parce qu'il se passe. Enfin, c'est vraiment. C'est des respirations. C'est ça, il y a un couple qui se détruit, etc., etc. Et du coup, ouais, ça fait du bien. Et vraiment, il y a eu des hurlements de rire. Ah. Et c'est une séance assez folle, les reines du drame, parce que vraiment, les lumières sont allumées. Il y avait une vieille dame un peu bourgeoise qui suivait ses larmes. Et à côté, il y avait, je sais pas si c'était un couple, mais deux amis, en tout cas queer, qui se prenaient dans les bras. Enfin, c'était beau. On avait des jolis mixités, c'était trop chouette. Ouais, un film qui crée plein d'émotions chez les gens et tout. Ouais. C'était assez chouette. Je me suis rarement autant caché dans des salles de cinéma. Je suis allé le voir, mais genre avec des salles où il y avait genre deux personnes et des salles plus remplies. J'ai dû y aller genre 15 fois. Ouais. Juste pour vérifier si les blagues elles l'aident. Genre si ça atterrissait bien les blagues. Non, mais il y a plein de choses. Genre, ok, là non, celle-là elle passe pas trop quand t'es plus genre rive gauche, celle-là elle passe un peu mieux. C'était des trucs un peu comme ça. Puis c'est vraiment un film où il se passe tellement, enfin, très complet, même la musique des fois elle t'agresse un peu, t'as la musique elle est forte et tout. Mais c'est génial, moi j'ai. Donc voilà, ce film est en VOD, n'hésitez pas, Film d'Alexis Langlois. Et en DVD aussi, et le coffret est très beau. Vous pouvez l'avoir absolument dans toutes les éditions possibles. Yes. Alice, merci. Alice Underground en podcast. Qui n'est pas du tout podcast, ne vous attendez pas à ça. C'est moins préparé. Alice Underground. Voilà, préparé, arrête. C'est un peu préparé. Adrien, mais toi, tu les as écoutés ou pas? Je les ai tous écoutés. Ouais. Je peux te confirmer que c'est pas préparé. C'était ma recours de Floodcast précédent. Oh, ma puce! Je les ai tous écoutés, mais tu prépares, arrête. Un petit peu. Regarde-moi dans écoute-moi. Il y a quatre questions. Tu peux voir mes notes. Tu sais qu'il est. Ouais, tu fais la blague même dans l'épisode avec. Léopold, il m'a engueulé. Il m'a dit, mais attends, mais t'as pas de questions? Je dis, je sais pas, c'est genre vibe. Non, non, maintenant ça va un peu mieux. Pour qui se prend déjà? Non, mais après, pour sa défense, il est. Habillé en gueux, oui. Avec une dent noire, assis par terre et je balance des pièces. Ok, donc tu vois, ouais, mais juste, je précise que c'est comme si vous écoutiez la conversation d'à côté. Non, mais c'est super. Mais c'est ça qui est génial. Super, mais puis c'est ça qui est super. Est-ce que vous avez. Vous, voilà, parce que c'est pas je suis pas journaliste, c'est pas des interviews, c'est des discussions. Mais c'est pas ce qu'on va chercher forcément dans un podcast. Tu crois que nous. Moi, je vérifie aucune de mes sources hein, depuis le début et tout. Il y a sûrement la moitié qui est faux. Jamais. Donc, non, c'est un. Et on est deux, on est deux. C'est une simili interview, mais en même temps, c'est plus une discussion, c'est ça que tu dis. Et surtout, on se déguise, et c'est ça qui est fun. C'est ça qui est fun. Mais pas que, parce que tu sais, oui. C'est un podcast que tu peux écouter en audio. Oui. Donc ouais, mais le mieux, c'est quand même de regarder les images. Ouais. C'est pas obligé d'écouter, mais juste faites un petit screenshot. De... Moi, j'écoute que en audio. Putain, t'as pas de check. Wow. Ah bah écoute, au moins celui de Léopold, parce qu'il est vraiment par terre en gueux. Et je c'est... le ferai pas. Il a une tonsure, mais Adrien. Oui, mais voilà. Moi, les podcasts, c'est en audio. Et voilà. Désolé. Tu peux pas lui en vouloir. J'irai voir, mais j'ai vu les photos en plus. T'as posté mais t'as pas photos. Vu avec le fond. T'as pas vu avec le fond. J'irai voir. voilà, Adrien. Bah voilà, l'avant-dernier épisode. Ah on bah se retrouve là, la prochain épisode pour vous, ce sera l'épisode à la salle Playel. Celui du 20. Celui du 10. Oui, du 20, pardon, du 20, t'as raison. Ouais, ouais. D'ailleurs, alors j'en profite, il y a des gens qui viennent à la salle Playel qui me demandaient, des fois je reçois des MP. Ça commence pas à 20h pile, mais venez quand même à l'horreur du billet, c'est le plus simple. Comme mais ça, si vous jamais, voulez vous parler entre non, vous non, mais si jamais, parce que des fois je sens que c'est des gens qui doivent quitter le taf, ils ont un peu peur. Non, c'est comme tous les concerts, ça commence pas exactement au truc de la billetterie, mais. Pas longtemps après, donc voilà. Ils seront sur scène à 17. Ouais. Non, non, mais il faut dire aussi qu'en fait, on a des. Il y, aura des parties, y aura des premières parties et parties. Ça se fait pas trop d'arriver pendant les premières parties. Voilà, c'est bien d'arriver à 20h. Voilà, voilà. C'est une surprise, c'est une surprise les premières parties. On non, dit pas qui c'est en tout cas. On dit pas qui c'est. C'est bien. On vous le dira si tu veux. Voilà. Hors avant de se quitter, Alice, pourquoi tu croyais que je te détestais? Oui. Je peux pas le dire en live. Ah! Elle a teasé un truc. Je vais dire pourquoi. Non, non, mais ne dis pas. Bah, attends. On te force je crus que tu voulais dire pendant l'émission. Non. Okay. Je suis désolée, vous êtes restés pour cette anecdote. Ah, il va falloir que. Vous... C'était prévu. Bon, bah, inventons quelque chose. Attendez mes 70 ans. Invente une histoire horrible. C'est pas sa personnalité, je tiens à le préciser. Florent Bernard est très sympathique. Je l'avais croisé qu'une seule fois. C'était une hypothèse de quelque chose qui n'a rien à voir avec toi. Eh bien, alors, c'est la fin de cette émission. Merci tout le monde. Ciao. Il s'agissait du Floodcast. Pardon.